Allez, salut tout le monde, bonsoir. Si le live veut bien tourner, parce que je sais pas, d'un coup il me fait un truc bizarre, genre il n'y a plus personne. Et si c'est bon. Salut Roby. Bonsoir. Bon ben pour l'instant, il m'a toujours pas mis à l'écran. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est pas grave. Ah ça y est. Oh, il y a un gros décalage au niveau de quand je parle et quand on joue. Bon, c'est pas grave. Comment ça va pour vous? Ça va? Très mal. Merci de poser la question. Comment tu vas? Ben ça va. Très bien, très bien. Ouais, ça va. Et vous, comment ça va? Bah moi ça va et toi? Bah ouais. Ah bah ça va. Et toi? Tu peux tourner très loin comme ça. Ouais. Non, après j'ai l'impression qu'il y a un petit souci de décalage au niveau du live. C'est bon. Hein? Bah oui, il y a un petit décalage, mais après c'est Twitch. Hein. Attends, je vais claquer des doigts. On va voir. Il y a une event qui bouge là, pas mal. Je viens d'entendre ton claquement de doigts. Oui, en plus, ouais. Je viens d'entendre ton claquement de doigts là. Il doit pas mal y avoir de lag, donc t'en fais pas. Non, mais moi là, je viens d'entendre ton claquement de doigts sur le live. C'est bon, t'inquiète pas. D'accord. Eh bien, écoute, ma foi. Parce que moi j'ai le retour. Tu sais, au pire, c'est pas grave, il y a quelques années sur Twitch, tout le monde avait 30 secondes de décalage, même ceux qui avaient la fibre. Personne s'en plaignait. Il n'y avait pas de fibre à l'époque. Ils font chier de faire un event ce soir-là, quoi. Enfin, ça, ils auraient pu faire. Ils font chier l'année des Legos. Ils font chier les millions qu'ils donnent, hein, merde. Je viens de me voir claquer les doigts. Tu vois, je viens de me voir. Donnez-moi les millions. Ouais, pourquoi on n'est pas invité? On aurait fait un marathon là-bas, tu vois, de jeux de rôle. C'est pas de ouf, hein. Ouais, en tout cas, mais c'est vrai que son pseudo à lui, ça pourrait s'appeler Rosebeef, ouais, c'est vrai. Oh, ça se mélange, hein. C'est pas loin de l'Angleterre, la France, hein. Mais c'est parce que Gossen ne sait pas lire son pseudo, du coup, il a appelé Rosebeef en tout instant. C'est vrai? Non, mais même lui-même, il s'est dit, tant qu'on m'a pas appelé Rosebeef, ça non, va. Non, tu l'as appelé Roby. Quête. Oui, j'ai été négligent, mais ça n'arrivera plus, voilà. Je ne l'appellerai plus jamais. Non, il a dit que ce soir, on pouvait. Il a dit que pour une fois, on pouvait l'appeler Rosebeef. Mais après, on est à Londres aussi. Voilà. Peut-être pour ça. Ouais. En tout cas, voilà, je compte sur vous pour faire un retour du live parce que j'ai mon refresh au niveau du live est très mauvais. Je suis à 30 FPS en 480p. Non, mais au niveau de la latence, savoir quand je fais j'ai un truc. J'ai 3 secondes de latence à 4 secondes de latence. C'est bon, la latence est tranquille. Ouais, après, 30 FPS. Ça ira mieux. 30 FPS, ça va, tu vois, on n'est pas. C'est pas Overwatch, quoi. D'accord. Oui, non, mais c'est sûr. Pas sur un jeu en fait, ça, je pense que ça vient de chez moi parce qu'il fait le. J'ai souvent le tiron, tu sais, pour. Comme s'il refresh. Oui. Ah, bah peut-être. En même temps, il faut que tu gères le stream, il faut que tu gères Discord, il faut que tu gères. Ouais, c'est vrai. Il faut que tu gères la musique. Tu gères mon salaire en fin de mois, faut que. Oui aussi, pourquoi pas. Oui, l'augmentation d'ailleurs. Coup, bon, dans ce cas, je vais faire. J'ai où le Rick? Salut Burno. Mais du coup, ce que je vais faire, salut Burno. Pour pas me perturber, je vais littéralement vous laisser regarder si le stream est voilà, parce que sinon je vais regarder ça et ça va me perturber. Donc je le coupe, c'est terminé. Je n'y ferai plus. Il n'y a pas de souci, on peut faire ça pour vous, monsieur. Ok, ça marche, merci. Alors. Salut Nordi, salut Burno. J'espère que vous allez bien. Hop. Du coup, on va se lancer pour ce soir. Ça me fait plaisir de remettre un petit peu le bleu de chauffe sur Terreur sur l'Orient Express parce que ça fait quelques temps qu'on n'a pas joué. Ça fait quasiment 2 mois et demi qu'on n'avait pas repris nos petites aventures. J'ai la date exacte si tu veux. Ah, mais moi aussi j'ai la date exacte. Le 8/06/2019. Et ça fait combien de moi temps aussi, alors Ça fait 3 mois. Bon, vous avez 3 mois qu'on a pas ouais, joué. Les vacances à Terreur sur l'Orient Express. Voilà. Quasi 4. Hein. Chut, ça me donne envie d'aller travailler à la SNCF, madame. En tout cas, voilà, c'est, je suis content. Enfin, on s'y remet. On reprend du service. Et ça, je pense que les plus heureux, c'est les joueurs. Hein, mais moi, je fais de ça, la reprise. Écoute, non, moi ça me fait chier, finalement j'arrête. Ah. Du coup, vu que ça fait quasiment donc. Attends, je regarde le live, mais j'écris plus car je joue en même temps. D'accord. Eh bien, écoute, joue bien et écoute bien le live en même temps. De toute façon, c'est beaucoup de normalement de l'audio plus que du visuel, à part pour peut-être un peu les joueurs de temps à autre. Mais j'essaye de faire en sorte que ce soit plus dans les oreilles que dans les yeux. On fait un live, et cette fois-ci c'est pas du gaming, c'est du JDR, hein, parce que pendant quelques jours on a pas mal joué, voilà. Sachez que de toute façon, faut pas oublier que la petite pause JDR à la base, c'est du JDR. Enfin, j'aurais pas deviné. C'est vrai. Pourquoi on ferait pas d'un télé tricot là? Merci, Diane. Je vais chercher mes machins, ouais, là, mes aiguilles à tricoter. Voilà, merci. Et on va y aller. Maillot dessus, maillot en dessous, maillot dessus. Voilà. Du coup, ce que je vous propose pour ce soir, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas joué. Et histoire de se rafraîchir un petit peu la mémoire, de vous faire un petit résumé. Alors du coup, ça empiètera un petit peu sur la session du soir, mais voilà, c'est la session de reprise, donc voilà, c'est bien pour tout le monde, puisqu'au final, autant pour les joueurs que pour vous, les viewers, au moins, on va se rafraîchir les idées. Après, peut-être qu'il y en a qui découvrent, qui sont là ce soir pour la première fois. Et du coup, salut à Bolas. Un résumé, ça pourrait être sympa. Eh bien, écoute, c'est prévu. Je vais essayer même dans mon résumé de pas moi me tromper, parce que moi-même, j'y ai pas touché depuis 3 mois. Donc du coup, voilà. On va essayer. Voilà. Après, je suppose que vous êtes des joueurs parfaits. Vous avez révisé un peu avant de venir. Oui, comme un chacun fait là. Tu m'étonnes. Voilà, hein, oui, oui. Salut Déti. Donc Déti, je suis le seul qui a une excuse. Mon chien avait mangé toutes les notes de mes prises, donc moi je repars à zéro. Voilà, t'as un chat. Voilà, donc Déti ce soir, donc tu t'es habitué à nous voir utiliser des tracteurs et planter du blé ou je ne sais quoi. Ce soir, c'est une session de jeu de rôle. Voilà, je serai le meneur de jeu et les 4 autres personnes qui sont présentes seront les joueurs. Voilà. Donc si tu n'as pas c'est tout à fait c'est très bien parce que tu... Oh, salut Cécile, mais vous êtes à fond là. Bah ouais, tu vois, maintenant j'ai la pression. Non, t'as pas la pression, tu vas faire ta partie tranquille. Si. Wow. Non. Donc, concentre-toi. On va faire c'est bien mieux que les tracteurs, oui, c'est vrai. Même si des fois, ça fait plaisir de jouer un petit peu avec les tracteurs. On sera toujours dans la merde, hein, c'est pareil. Hein. Voilà. Marque déposée, tu fais tu rebaptises le jeu, c'est Terreur sur le Tracteur Express. C'est ça. Avec des pieds dans le fumier, hashtag Cthulhu qui plante les récoltes et tout ça. Tu vois. Bon, on a perdu déjà Xen, voilà, qui va flinguer le layout. Merci. Voilà. Ne vous inquiétez pas, ça va revenir dès qu'il sera revenu. On voit bien le front de Mister. Voilà. Lui, Xen, t'as joli front. Non, Xen, il n'est pas là. C'est, oui, non, mais je sais, mais il apparaît sur la case de Xen. Et il y a... Ah oui, d'accord. Donc, vous inquiétez pas, on va le récupérer. Ah bah, maintenant, si tout le monde s'en va, on va pas y arriver, là. Mais non, mais moi, je suis là. Je peux couper ma caméra deux secondes. Moi, je coupe la caméra, c'est bon. Ah, mais tout le monde s'en va. Non, je rigole. Bah, tiens, j'ai un caca à faire, j'y vais. Ouais, c'est ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que, donc, comme c'était prévu, je vais vous faire un petit résumé. Alors, Xen n'est pas là, c'est pas bien grave. Ah si, Xen revient, donc tout va bien. En même temps, voilà, il a révisé avant, donc ça devrait aller. Ce que je vais faire, c'est que, vu que c'est un petit résumé effrayant, je vais essayer de mettre... Une musique qui peut aller avec. Alors, je sais plus trop laquelle mettre. Est-ce qu'on va mettre ça? C'est l'heure de la zik. Vous pouvez me dire en dans le live si la musique est un peu forte ou pas, parce que j'ai aucune idée de... Je peux la baisser. Moi, je vais la baisser comme d'hab, parce que Watch Together, c'est un défonceur Par rapport aux voix, bien entendu. Parce que j'ai aucune idée de... Quand ça fait très longtemps que j'ai pas streamé, j'ai plus les... Un peu forte, baisse. Les réflexes. Un chouille. Alors après, c'est pareil. Là, j'ai baissé. Est-ce que c'est mieux? Un peu fort. Ok. Attends. Là, il y a eu un... Voilà. Parfait. Le VPEC, un petit décalage. Ah oui, c'est vrai. Moi, je au quart de tour. Ok. Donc, c'est bon. Parfait. Merci, c'est bon. Du coup. Et on a reperdu Xen encore une fois. Mais c'est pas grave. Mais... Si, il veut revenir. C'est bien. Les personnages que vous jouez en ce moment, donc ceux qui apparaissent dans le layout que vous, les viewers, pouvez voir, sont les personnages pré-tirés. Les personnages, ce sont pas les personnages principaux de nos joueurs. Du coup, les joueurs principaux, enfin, les personnages principaux, sont actuellement dans un ferry qui les emmène à Calais. En fait, ils ont quitté Londres pour rallier la France en direction de Calais pour ensuite les emmener sur Paris. Pendant ce trajet, pendant qu'ils sont sur le ferry, ils décident justement... Cette moustache ira loin. Ils décident simplement de lire un journal qu'a écrit le professeur Smith, et qui relate une affaire sur laquelle lui et quatre amis à lui ont agi. Enfin, vous avez compris. Non. Ça suffit. Et du coup, c'est une affaire qui s'est passée en 1893, si je ne m'abuse. C'est ça, Maître Capello ? Xen ? On va voir si je suis pas mauvais. 1993, tout à fait. Ah. 1893, oui. Donc, pour l'instant, le MJ ne s'est pas trompé. Merci à Bolas pour le retour, puisque Bolas a déjà masterisé sur cette campagne, donc il connaît tout. Oh. Mais oui, j'aurais besoin de toi peut-être. Pas de spoil. Bolas a je sais pas combien d'épisodes sur sa chaîne de... C'est ça. Terre. Et donc. Les personnages donc, ouvrent ce journal et vont lire ce qui va se passer. Donc en 1893, le professeur Smith, qui est bien plus jeune que ce qu'il est actuellement, fait appel à quatre personnes, quatre amis, en urgence, pour le rejoindre en fait à Londres, dans le quartier de Whitechapel, il me semble. Et dans ce message, il leur demande bien de faire vite et surtout de venir armés. Ces personnes qui ne sont autres que... Alors je regarde ce côté, Kassim Polat, qui est joué ce soir par notre ami Shedron. George Banks, qui est joué par notre ami Gassar. Le capitaine Barrington, qui est joué par notre ami Oxide. Et le professeur Harold Worth, qui est joué par notre ami Xen. Voilà. Et donc ces personnages vont assez rapidement sur les lieux et se retrouvent dans le quartier de Whitechapel. Ils arrivent devant un immeuble miteux très vite montent à l'étage pour se retrouver dans une chambre aménagée qui est dans un état déplorable et d'où émane une odeur mais immonde. Là-bas, ils sont en compagnie du professeur Smith et trouvent dans cette chambre une personne qui est allongée sur un lit. Cette personne est quasiment nue, seul un petit tissu couvre ses parties intimes. Et Aussi incroyable que ça puisse paraître, il a un chapeau, un fez de couleur rouge sang, posé sur la tête. À côté de lui se trouve un homme assez suspect, mais enfin assez bizarre, qu'on ne voit pas trop qui il est. Sur le coup, oui, c'est ça, c'est le docteur. Du coup, les présentations se font assez rapidement et les investigateurs, parce qu'on va les appeler comme ça, s'approchent du corps de cette personne et se rendent compte très vite que c'est une personne quasiment mourante, cadavérique, dans un état horrible. On peut lui donner à peu près 50 à 60 ans, vu l'aspect. Seulement, ils sont très vite douchés par le professeur Smith, puisqu'il leur dit que cette personne n'est autre qu'un jeune étudiant du nom de Matthew Pook et que cette personne a une vingtaine d'années. Assez surprenant pour les investigateurs qui sont choqués par la vérité. Ensuite vient le moment où il s'attarde un petit peu sur ce chapeau qui a l'air tout à fait... Enfin, ça a l'air quand même bizarre qu'une personne soit nue et qu'elle ait quand même un chapeau sur la tête. Et ils sont horrifiés de voir que ce chapeau a l'air littéralement fusionné avec la peau de son crâne et qu'il ne fait quasiment... Il voulait lui sucer le cerveau. Et qu'il ne fait qu'un quasiment avec la peau. De plus, il a une autre particularité, c'est que ils ont noté que sur le chapeau était écrit des choses avec une espèce de langage complètement inconnu, et que ces écritures avaient l'air de bouger, d'être mobiles. Et pour finir, et c'est là le plus surprenant, c'est que ce chapeau, donc ce fez rouge sang, quand on approche l'oreille, on entend des murmures dans une langue inconnue, indescriptible, très gutturale. C'est à la fois, on l'entend, mais c'est très lointain. Et tout ça vient du fez. Le temps de remarquer tout ça, le malheureux Matthew Pook vient à décéder devant leurs yeux. Et au moment où il décède, le fez tombe, se décroche de sa tête dans un son atroce, comme si on lui arrachait les chairs, on lui arrachait la peau, et vient s'écraser au sol. Dans un bruit spongieux, horrible. Sur le coup, les investigateurs sont horrifiés. D'ailleurs, je ne sais plus si quelques-uns ont peut-être perdu à ce moment-là un peu de santé mentale, il me semble. Même peut-être beaucoup. Très vite, le professeur Smith prend les choses en main et dit à ses amis qu'il faut vraiment se débarrasser au plus vite de ce fez, car c'est un fez maléfique et il ne faut pas qu'on puisse que cette chose faire des choses horribles, en fait. Hein, voilà, on ne sait jamais si il venait à tomber dans de mauvaises mains. Mais c'est au même moment, au moment où tout le monde commence à réfléchir un peu à la solution, que le Matthew Pook, qui était mort, revient littéralement à la vie. Mais ce n'est pas Matthew Pook. C'est un monstre. Un monstre dont les mains se sont parées de griffes acérées. Les dents sont devenues des crocs, telle une bête sauvage. Et une langue immense est venue ornementer cette bouche qui ne ressemble plus à une bouche humaine. S'en vient un combat, je ne sais pas si c'est un combat épique, mais ça a été un combat acharné où ils ont essayé de s'en tirer est aussi incroyable que cela puisse paraître. L'issue a été positive pour le groupe puisque la bête, puisqu'on est encore là, le monstre est tombé. Seulement, dans la bataille, des coups de feu ont été tirés, ce qui a provoqué, hélas, l'arrivée d'agents de police qui commencent à courir autour de l'immeuble. Et très vite, on doit prendre une décision. On décide de fuir. Il faut emmener ce fez. D'ailleurs, l'un d'entre eux a eu la bonne idée de prendre le fez dans les mains. Et il s'est senti défaillir et pris de nausées à tel point qu'il a failli se retrouver au sol. Mais il a résisté. Du coup, ils ont pris de comme ils pouvaient ce fez pour le mettre dans une mallette et ils sont partis aussi rapidement qu'ils le pouvaient. D'ailleurs, au moment où ils se retrouvaient à l'extérieur, certains d'entre eux ont eu l'impression, outre les agents de police et les badauds qui étaient inquiets par les coups de feu, ils ont eu l'impression d'être observés. Comme si des yeux cachés dans la pénombre essayaient de les épier. Même, peut-être même l'un d'entre eux a cru décerner dans le brouillard un homme portant un fez. D'ailleurs, ils se souviennent que un peu avant de parler de voir la mort de ce Mathieu Pouk, la concierge de l'immeuble leur avait expliqué que pendant 4 jours, des hommes ont amené, enfin ils ont amené il y a 4 jours cet homme dans un appartement, un homme avec un chapeau haut de forme, plus accompagné de deux hommes avec portant tous des fez rouges d'ailleurs, incroyable. Et qu'ils ont prétexté que cet ami était souffrant et qu'il était, il devait être sevré de la drogue qu'il prenait quotidiennement et que ça pouvait expliquer les cris qui, pendant 4 jours, ont semé le bordel, hein, littéralement, dans l'immeuble, jusqu'au jour où les gens ont eu marre et ont appelé la police, provoquant la fuite de ces gens et la découverte de ce corps. Donc suite à ça, nos investigateurs vont se retrouvent à la maison du professeur Smith, où ils passent une nuit, pour certains, assez difficile, notamment un certain capitaine, qui a eu extrêmement du mal à dormir, à tel point qu'il n'a pas dormi. Ils se retrouvent le lendemain pour discuter de tout ça à l'Oriental Club, et sur le chemin, encore une fois, ils ont eu l'impression d'être observés, suivis. Peut-être même voir, peut-être c'est des hallucinations, je ne sais pas, ou de la, comment dire ça, de la paranoïa, je ne sais pas, des hommes avec des fez rouges, de temps en temps dans les rues. Mais les voilà à l'Oriental Club. Le professeur Smith leur dit qu'ici, ils seront en sécurité, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, du moins ils le pensent. Ils vont établir un plan d'action. Le capitaine Warrington, lui, avec la nuit terrible qu'il a passée, se dit qu'il est mieux qu'il reste ici avec le professeur Smith pour le surveiller et en même temps se reposer et pouvoir se restaurer. Pendant que les trois autres, donc que ce soit monsieur le professeur Pollat, le professeur Worth et le jeune George Banks, décident d'investiguer l'appartement de Mathieu Pouk. Parce que l'appartement où ils étaient le dimanche, donc c'était le dimanche soir, n'était pas son appartement. Sur les lieux, ils rencontrent une concierge qui est un petit peu tatillonne, qui leur essaye de retirer un petit peu d'argent. Mais je crois que Monsieur Worth est assez généreux. Et les voilà dans son appartement. Ici, qu'est-ce que vous avez trouvé? Je vais vous faire participer un petit peu. qu'est-ce que vous avez trouvé dans l'appartement de ce Mathieu Pouk? Une maquette de studio MJ. Je peux te dire exactement ce qu'on a trouvé. On a trouvé en plein milieu de cette pièce des traces de calcination. Si je me souviens bien. Non. Alors attention, là vous êtes en train de mixer deux choses en même temps. Ok. Parce que là, alors c'est pas le bon truc. C'est donc, pas le bon scénario. C'est pas. Ah non, je suis trop avancé. Non, on avait trouvé des notes comme quoi il faisait une correspondance. Il devait surveiller quelqu'un qui s'appelle Célib Makiyat, un truc comme ça. Non. Menkaf. Menkaf. Célib Menkaf. Bon, j'ai mis Ouais, bon, j'ai écrit phonétiquement, ça doit être un peu merdé. Et il a fait une correspondance avec un homme qui se trouve actuellement à Constantinople sur le Fez rouge. C'est ça. Tout à fait. Voilà. Je continue ou je laisse les autres participer? Ah, mais je sais pas, c'est à vous de. Vu que vous êtes des joueurs assidus, je pense que vous avez tous pris des notes. Vous avez tous révisé. À part si vous le savez, enfin vous avez des doutes. Moi, je me rappelle avoir fait, ça s'appelle le Fez rouge de sang qui a été écrit en 1550. Et il y a un bouquin qui s'appelle Les Murmures du Fez. Alors là, je sais pas si tu trouves, si tu as trouvé ça c'est dans. C'est qu'il a emprunté un livre où il cherchait un livre qui s'appelle Les Murmures du Fez. Alors, c'est quelque chose qui peut nous aider. Du coup, quand vous allez dans son appartement, vous trouvez en fait des notes où il fait. Attends, je vais essayer de retrouver ça là-dedans parce que forcément moi aussi j'ai pas tout. Là, Terreur sur l'Orient Express, le Fez rouge sang. Voilà. Le Fez rouge sang, au pouvoir terrible. Alors. Il y a aussi, du coup, la personne qui tenait une correspondance, ça doit être Lise Perra ou Lidze Perra. Alors, hop, ça c'est pas ça. Alors, vous trouvez un journal. Voilà, vous trouvez un journal. Mais remettez-moi tout ça dans l'ordre, exactement. Mais oui, totalement. Donc c'est quoi ces idées dans l'appartement de. Oui, mais après, ça fait 3 mois, donc forcément, il faut remettre les choses dans l'ordre. Vous trouvez un extrait de journal qui appartient à Mathieu Pouk, où il vous dit, vous trouvez ceci. Dans le premier extrait de journal, vous trouvez « Mein Kampf a une influence notable sur les crédules. » Il transporte le Fez rouge sang que le professeur m'a décrit dans une boîte marron. Ses sbires et lui ne semblent pas vouloir y toucher. Dans un deuxième extrait, mes recherches à la bibliothèque du British Museum m'ont retenu de temps à autre. Mais ces vérifications régulières quant à Mein Kampf et ses sbires m'informent que rien n'a changé. Ils surveillent la maison du 3 Blittering Lane à Rotten Hill. Collectionneur de fesses. Voilà, j'ai posé quelques questions et appris que c'est un collectionneur de fesses qui y vit. Le professeur Demir m'a dit de ne pas. De me montrer assez prudent, mais j'ai facilement pu me faufiler parmi les imbéciles que Mein Kampf a laissé sur place, et je suis sûr que personne ne m'a vu. Troisième extrait, Mein Kampf prévoit de prendre bientôt l'Orient Express pour Constantinople. Je l'ai vu acheter des billets pour lui et ses sbires. Et si je ne sais pas à quelle date il partira, il semble vouloir quelque chose avant de quitter Londres. Et ça ne peut pas être le Fez puisqu'il est arrivé à Londres avec. Voilà. Et le dernier extrait. J'ai décidé de voler le Fez pendant qu'il est occupé à Rotten Hill. J'entrerai dans sa chambre pour voler le Fez rouge sang. Ensuite, je me hâterai de rejoindre Constantinople pour le donner au professeur Demir. Et donc là, il s'imagine que le professeur va être complètement fou de joie en moins. Mais... Sauf que vous êtes bien douté, puisque vous êtes tombé sur le jeune Mathieu Pouk. Malheureusement, il n'a pas réussi son affaire. Donc voilà ce que je vous avais trouvé, du coup, dans la maison du jeune Pook. De surcroît, vous savez qu'il a du coup été à la bibliothèque du British Museum. Du coup, vous avez décidé de vous y rendre également pour essayer de trouver ce qu'il cherchait. Et parce que Monsieur Worth, je sais plus si c'est Monsieur Worth ou un autre, mais a été plutôt judicieux, il a réussi à trouver assez rapidement les textes qu'il a, enfin les écrits qu'il a pris là-bas. Alors, hop, j'essaie de le retrouver. Donc, ce que vous avez trouvé au British Museum est l'apocryphe du Fez. Si je ne m'abuse, n'est-ce pas, Olas? En tout cas, moi, c'est ce que j'ai noté. J'ai noté un truc écrit Fez. Ça doit être pas loin de ça. L'apocryphe du Fez. Bah, écoute, on va faire ça comme ça. On va dire que c'est ça, puisque normalement, ça doit être ça. Donc, vous avez vu que c'est un texte qui était dans une langue étrangère. Il me semble que c'était du perse. Ouais. Et qui relate, en fait, l'histoire du Fez Rouge-Champ. Donc, ici, le Fez Rouge-Champ a toujours été considéré comme un artefact maléfique. Fabriqué au nom de pouvoir indicible, de pouvoir à ce point terrible qu'aucun homme sain d'esprit n'oserait même écrire leur nom. La première mention du Fez remonte aux alentours de, comme tu l'as évoqué, 1550 dans les cours ottomanes. Mais certains prétendent qu'il est bien plus ancien que cela et qu'il remonte à l'époque de la Grèce antique. Il est censé avoir le pouvoir de contrôler l'esprit des hommes et de lier leur destin à celui d'un mal ancien, vieux, avant même le commencement des temps. Quand les avantages de ce Fez, eh bien, c'est que boire, se baigner ou simplement faire couler le sang d'un prince lorsqu'on porte le Fez est censé attirer les faveurs royales sur les porteurs de la part des dieux sombres, et selon d'autres, ce serait un moyen d'atteindre l'immortalité. Mais de tels dieux pourraient bien avoir une vision entièrement différente de la nôtre, de ce que sont des faveurs royales. Voilà, note bien ça, Deus Ex Machina. Ça peut te servir pour plus tard. Et dernier un avertissement quand même. Écoutez cet avertissement et prenez-le à cœur. Porter l'abomination, connue sous le nom du Fez Rouge-Champ, déchaînera une pluie de calamités sur son porteur, qui cédera son âme et son esprit à la volonté du Fez et à ses terribles maîtres. Seuls ceux qui sont passés maîtres dans le domaine des arts noirs pourraient espérer y survivre. Et pour eux, le prix serait encore plus terrible. Il est possible de contrôler le Fez, et même de mettre un terme à ses agissements. Ceux qui cherchent ces savoirs noirs devraient consulter les murmures du Fez. C'est ce que donc, voilà, ça se dit vachement en français, c'est ce que vous avez trouvé au British Museum. Ah, je me souviens, du coup, on s'est rendu... Je te laisse faire. Voilà, entre-temps... pendant ce temps-là, Monsieur Barrington et le professeur Smith qui travaillaient, enfin du moins plus le professeur Smith, parce que Barrington était occupé à se restaurer et à boire le plus de café possible pour pas s'endormir, ont appris de la part d'un des membres de l'Oriental Club que un terrible meurtre s'était commis il y a quelques jours dans la ville de Londres, et qu'un collectionneur de Fez avait été retrouvé mort dans ses appartements. Au même moment, vous trois revenez de vos investigations du British Museum et faites part de tout ce que vous avez trouvé. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, vous croiser les informations pour arriver à l'unique chose, comme quoi Menkaf aurait l'intention de se diriger à l'adresse de la personne qui est décédée. Donc, le collectionneur de Fez. Ni une ni deux, vous êtes d'accord. Eh bien, vous vous rendez tous, et là, Le professeur Smith vous dit « Ne vous inquiétez pas pour moi, je vais partir par une porte dérobée. » Vous pourrez vous rendre tous les quatre et vous décidez de partir tous les quatre à l'adresse du collectionneur De Fès. De Fès. Entre-temps, George Banks, lui, avait décidé de faire autre chose et de partir à Whitechapel pour rencontrer des amis du milieu pour peut-être savoir si ils sont responsables de la mort de ce fameux collectionneur ou s'ils avaient des informations qui pourraient leur servir. Seulement sur les lieux, il n'a aucune réponse. La seule chose qui peut se passer de bien pour lui, c'est qu'il retrouve sa maman. Maman qui s'empresse de demander de ses nouvelles et qui fait preuve d'une très grande affection. Hein, n'est-ce pas, George Banks? Ta petite maman. Hein. On laisse le nom tranquille. Hein. Voilà. Mais je n'irai pas plus loin là-dessus. C'est entre lui et moi. Et tout de suite, il vous rejoint sur place. Sur place, bah, vous trouvez quoi? Vous trouvez un appartement dévasté et des fesses un peu partout retournées, une vitrine qui est explosée. Et Monsieur Worth, qui a l'habitude de ce genre de bureau assez sophistiqué, découvre un double fond dans un tiroir et tombe sur un carnet de compte qui appartenait au collectionneur, où il fait mention qu'il a acquis à une vente aux enchères un certain livre qui s'appelle « Le murmure du Fès ». Accolé à ce livre de compte, une lettre qui n'a rien à voir avec ce livre, où il fait mention d'un certain monsieur Leeds qui aurait demandé à acheter ce livre pour une somme mais monstrueuse pour l'époque, et vous ne savez pas si la transaction s'est faite ou pas. Juste avant de vous décider à partir, le capitaine Barrington, qui était désespérément à la recherche d'une trappe cachée quelque part, finit tout de même par trouver une trappe cachée quelque part, où il trouve, pas chier, incroyablement que cela puisse paraître, deux plaquettes de chocolat de grande qualité. Eh ouais. Voilà. Rien que ça pour rendre un homme heureux, une trappe du choco. Sur ce, vous voilà décidé à revenir voir le professeur Smith et vous décidez qu'il est temps pour vous, puisque le train qui part pour Constantinople part mercredi et que vous êtes lundi soir, il est temps pour vous de vous préparer, car mardi, vous prendrez le train pour vous rendre sur Paris et notamment sur Chalon-sur-Marne, puisque c'est là où part réellement l'Orient Express, et il faut vous hâter. Chalon-sur-Marne, c'est pas en Vendée, ça, plutôt que Paris? Chalon-sur-Saône, pardon. Chalon-sur-Saône. Du coup, vous voilà, vous passez une nuit plus ou moins bonne. Je sais qu'il y en a qui ont quand même toujours du mal à s'endormir, mais ça passe. Je sais que un certain professeur Kassim Pola, il n'a aucun problème à dormir du début jusqu'à la fin. Il a le sommeil très lourd. Il n'y a pas de problème pour lui. Vous voilà donc parti pour Paris, pour Chalon-sur-Marne. Seulement, depuis le début, toujours la même impression, où que vous y alliez, des yeux, une impression d'être suivi, d'être observé, des hommes, des fesses rouges. Voilà. Voilà. Vous vous sentez vraiment acculé, mais vous faites fi de ça et vous y allez. Le voyage se passe plutôt bien. Et vous arrivez à Calais. À Calais, où vous rentrez dans ce qui sera déjà votre wagon, puisque c'est un train assez spécial, puisque à la fin du train, et un wagon lit, enfin un wagon lit de l'Orient Express, qui sera lui décroché et accroché directement à l'Orient Express. Donc vous pouvez dire que vous prenez déjà vos quartiers et vous ne bougerez plus de ce wagon jusqu'à la fin de votre voyage. Vous voyez que c'est un wagon assez luxueux et que l'attention que les gens vous portent dans ce wagon est, disons, très standing. Voilà, on est là dans le summum du tourisme ou du voyage, en gros. Donc vous êtes des invités de marque. Pour l'occasion, d'ailleurs, le professeur Smith a fait tailler sur mesure deux costumes à l'attention de George Banks, puisque vous savez que George Banks est sans le sou et qu'il ne vit que de petits larcins, évidemment, puisque c'est un jeune voyou de la rue. Il y en a, quoi, c'est bon. Hein. Voilà, et pour l'occasion, pour pas dénoter de l'ensemble des gens qui sont sur ce train, décide de te faire tailler sur mesure deux costumes. Il faudra que tu en prennes soin. Vous allez donc en direction de Paris. Paris où, quand vous arrivez, des gens forcément vont monter dans votre wagon. Et là, vous voyez que, alors que vous étiez quasiment les seuls à être montés dans le wagon à Calais, vous voyez que c'est des gens d'un tout autre standing qui montent avec vous. Des gens affrétés. Un homme et une femme avec une tenue, disons, quasiment... Oui. Juste, on n'a pas parlé du baron von Hofler. Mais oui, mais je t'en parlerai. D'accord. T'inquiète pas. It not. Vas-y. T'inquiète pas, ça va venir. Du coup, vous voyez des gens d'un grand standing montés dans ce train. Et voilà, il y a un homme et une femme qui ont l'air d'être presque princiers, qui montent en compagnie de plusieurs personnes qui ont l'air d'être des gens qui sont là pour s'occuper de leurs affaires et autres, quoi, des serviteurs, des servants, je ne sais quoi. D'autres personnes montent avec. D'ailleurs, je ne sais plus qui, parce que j'ai complètement oublié, mais l'un d'entre vous, ou peut-être plusieurs, vous avez eu l'impression pendant tout le trajet, jusqu'à présent, comme si vous étiez épié. Vous savez pas forcément su d'où ça venait, mais vous avez eu cette impression-là, pendant tout le temps que vous avez voyagé jusqu'ici, d'avoir eu l'impression d'être épié. Les gens commencent à monter et le train se prépare à partir. Il doit être dans les environs de 19h30, 20h. Et vous savez que vous arriverez à destination de Chalon-sur-Marne sur les coups de 21h30. Le départ réel vous allez me dire, l'Orient Express, on ne parle que de lui, sera effectif vers 22h26 et là vous serez vraiment accroché à l'Orient Express et vous partirez pour Constantinople. Seulement voilà, vous allez vous retrouver tous, sauf Kassim Polat qui est extrêmement fatigué et qui a besoin de se reposer parce que c'est quelqu'un qui a besoin d'énormément de dormir. Là. Son intellect est tellement sollicité que ça lui fatigue énormément. Donc il décide d'aller directement dans son compartiment. Compartiment qu'il partagera avec le capitaine Barrington. D'ailleurs, le capitaine Barrington lui-même a décidé de rester aussi dans sa cabine car... la fatigue l'a rattrapé. Il a essayé de tenir aussi bien qu'il pouvait. Surtout parce que c'est pas loin de la mallette que je possède ou que lui possède. Exactement. Il n'y a pas énormément de planques dans la petite cabine. Donc exactement. Après, c'est ce qu'il a dit à tout le monde. Mais en vérité, c'est ce que je fais croire. Voilà. Il est épuisé, il en peut plus. Ouais, voilà. Ouais. Non, monsieur. Il est moins Prozac que j'aille dormir. Bon, je pense que là, dans l'état de fatigue où tu n'auras pas besoin de Prozac. Seulement, voilà, vous vous retrouvez tous les deux, le professeur Worth et George Banks, dans le salon le salon où vous pouvez remarquer pas mal de convives et de voyageurs. Vous retrouvez ce couple, enfin non, pas le couple, le mari, enfin l'homme très bien habillé, en compagnie d'un homme qui le suit à la trace. Vous voyez aussi un homme assez extravagant. On pourrait imaginer un espèce de, je sais pas moi, de Dali un peu foufou dans les tenues. Voilà, c'est ça, ça fait un peu. Ah, je suis fou de l'an 20. Ça fait un dandy loufoque. Voilà, avec une moustache. Vous pouvez imaginer qu'il est. Enfin, qu'il pourrait être. Typé un petit peu. Oriental. Voilà. Et il est accompagné d'un molosse. D'une véritable armoire à glace. Un The Rock en puissance, voilà. D'une cinquantaine d'années. Il s'appelle Dwayne Johnson. Voilà. Et qui le suit comme son nom. Et qui est quelqu'un d'assez inexpressif. Voilà. Un mur, en fait. Un gars, voilà. Il est là. Limite, vous savez même pas s'il peut parler, le type, quoi. Vous notez aussi que dans la pièce se trouve une femme assez extravagante à sa manière, puisque elle arbore une tenue masculine, chose que pour l'époque en 1893, une femme habillée en homme, ça passe pas très bien. Voilà. C'est voilà. En plus, elle a, disons, peut-être une trentaine d'années. Elle est seule à 30 ans. Une femme seule à 30 ans, ça va pas non plus. Elle a l'air d'être un petit peu journaliste sur les bords. Vous voyez qu'elle écrit sur ses carnets. Elle écrit plein de choses. Voilà. Et je crois que c'est tout ce que vous remarquez. Ensuite, si. Avec l'homme un peu extravagant que je vous ai signalé tout à l'heure, vous deux, George Banks et toi, Professeur Worth, vous réalisez que l'homme, il y a un homme qui se trouve à côté de lui qui est quelconque. Honnêtement, c'est un Britannique. On peut pas faire plus quelconque que lui. Vous réalisez tout d'un coup que cet homme a fait le trajet avec vous du début à la fin. Et qu'il est dans le wagon avec vous et qu'il discute avec cet homme. Et au fur et à mesure que vous regardez cet homme, parce que voilà, vous vous rendez compte qu'il était avec vous depuis le début, vous vous rendez compte que ils ont des regards tous les deux furtifs dans votre direction. Et qui vous regardent avec insistance par moment. Tu décides donc, toi, le professeur Worth, de faire une feinte, voilà, et demande à George Banks de regarder, de les observer pendant que toi, tu partiras rejoindre vos amis, le capitaine Barrington et le professeur Pollat, et de voir s'ils vous observent. Voilà, tu fais travailler ta tête, c'est plutôt pas mal. Et effectivement, c'est ce qui arrive. Pendant que tu pars rejoindre tes amis, effectivement, les deux hommes te scrutent avec plus d'insistance. Toi, George Banks, tu notes ça, mais tu décides de rester un petit peu, profiter de l'endroit, un salon que tu n'auras peut-être jamais l'occasion de voir de si tôt. Voir à l'œil, surtout ça, je pense. On t'offre un cigare, on t'offre ce que tu veux boire, pas de problème. Tu demandes un scotch. Je mets la vodka et bois le cigare. Camoulox. Tu demandes un scotch et tu profites de l'instant pour demander à un des servants, enfin des personnes qui s'occupent de gérer les personnes, de savoir qui sont les convives. Et La personne s'exécute, disant qu'elle connaît tout le monde, parce que c'est là l'Orient Express est un service d'excellence et qu'on se doit de connaître tous les passagers qui sont sur l'Orient Express. Elle te connaît, elle te nomme. Oui, c'est parce que tu es. Non, mais elle te nomme, elle sait que tu es George oui. Banks, elle sait les noms de tous tes amis et elle te dit voilà que la personne qui est parée de d'une belle, enfin qui est affrété tel un prince n'est autre qu'un comte russe dont j'ai oublié le nom. Alors Rudolf Razurotsky. Voilà. Est-ce que c'est lui? S'il y a écrit comte devant, c'est bon, c'est lui. Ah, il gère, hein, bien dit. Ah ouais, mais attends, je peux pas me souvenir de tout, hein. Ouais. Alors c'est le comte, voilà, c'est exactement ça, c'est le comte Rudolf Razumovsky. Il te dit que la comtesse, elle n'est pas présente, elle doit être dans sa cabine en train de se reposer. Elle n'a pas voulu se mélanger à ceci. Tu vois que à côté de ce comte se trouve. Un autre homme qui lui, même si il n'est pas imposant physiquement, il fait peur. Tu sens que à sa tronche, c'est le gars qu'il faut pas emmerder, tu vois. Et d'ailleurs, tu remarques que sur son avant-bras est tatoué un ours. Un tatouage d'un ours. Mmh. Ensuite, la personne te dit que la femme qui est en train d'écrire est. Alors, si je me rappelle bien. Agatha Christie. Non, ce n'est pas Agatha Christie. Aline McGregor. C'est une écossaise, de ce que je m'abuse. Et que c'est une journaliste. C'est ça. Attends. Ouais, ça doit être... On va dire que c'est une écossaise. C'est une journaliste écossaise, oui, c'est ça. Et ensuite, il finit par les trois personnes, dont les deux qui vous regardaient. Il te dit que... Ah, celui qui est assez... comment dire... Le Britannique qui nous surveillait. Assez extravagant, se nommerait, tu vois qu'il cherche un peu, et à Hieronymus Menkaf. C'est bien ce que j'ai noté. Je suis content de voir. Et après, il te donne pas forcément les noms des ceux qui sont à côté. Il te dit voilà, la personne à côté est un ami de ce Menkaf, et le gros bras qui est derrière, je pense que c'est son homme de main, son homme à tout faire, et qui est là pour satisfaire s'il a besoin de quelque chose, il y va. Alors, en tout cas, il te dit voilà, si vous avez je besoin. Je croyais pas, j'avais mis armoire à glace avec dedans. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il fout là? c'est ça, voilà. Et donc du coup, sur ce, il te dit que voilà, si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas, fais appel à lui ou aux employés du d'Orient Express. Ils sont là pour vous et y a pas de souci. À n'importe quel moment, on s'occupera de tout ça. Sur ce, tu vois qu'il part de son côté aller faire ce qu'il a à faire. Du coup, tu te précipite de façon très lente, bien sûr, ce que tu vas bien ensemble, rejoindre tes camarades. Entre temps, le professeur Wirth a rejoint le capitaine Barrington et le professeur Pollat pour lui expliquer que, a priori, vous êtes observé, vous êtes suivi par des individus qui sont dans le train. À ce même moment, vous avez le jeune George Banks qui rentre dans la pièce alors que tu t'apprêtais à sortir. Professeur Wirth, du coup, un grand parce que tu vois quelqu'un ouvrir la porte d'un coup, et voilà, tu te précipites lentement. Il faut retenir ça. Et du coup, je pense que c'est à ce moment-là que nous nous sommes arrêtés à la dernière session où George Banks rentre dans la pièce et vous aviez un petit peu discuté d'ailleurs de la révélation que cet homme extravagant n'est autre que Minecraft lui-même. Aïe aïe aïe. Voilà. Mais du oui, coup, c'est clair. Maintenant, je vous ouvre les portes. Il y a juste un détail. On doit rencontrer quelqu'un à Vienne qui s'appelle le baron von Hofer, qui est autrichien, occultiste, et qui détient des informations capitales sur le Fès. Exactement. Et chevalier contre les forces du mal. Exactement. Puisque, en fait, ce que vous a dit le professeur Smith, c'est qu'à l'époque, il n'était pas aussi renommé et réputé que ce qu'il est actuellement pour vos personnages principaux, et qu'il n'était pas aussi fortuné. Et du coup, il a dû faire appel à un de ses amis, qui n'est autre que le baron von Hofler, pour lui demander son aide pour financer votre voyage à Constantinople, puisque vous savez, les tickets pour l'Orient Express sont extrêmement chers, et du coup, le professeur Smith n'avait pas forcément les moyens de subvenir à toute cette entreprise. Du coup, il a fait appel à lui, et sachant que le baron von Hofler est complètement gaga de ce genre d'affaires, puisqu'il est bercé dans l'occultisme le plus profond, du coup il a accepté et il a insisté pour vous rejoindre sur l'Orient Express quand vous arriverez à Vienne pour faire partie du voyage et pouvoir peut-être profiter de ce fez, peut-être apprendre de nouvelles choses et tout ça. Quoi qu'il en soit, voilà, vous, votre mission, elle est claire. Vous devez amener le Fez à Constantinople pour le détruire, mais vous devez l'amener à un certain professeur d'Émir, qui lui seul, en gros, pourrait connaître, il n'y a pas de certitude, le moyen de le détruire. Voilà, c'est votre mission et c'est pas autre chose. Voilà. Donc pour l'instant, vous êtes en direction de Chalon-sur-Marne pour vous accrocher au futur. Voilà. Donc, vous savez que je vous ai dit l'heure, je sais plus quelle heure il était vraiment, 19h30, 20h, mais vous aurez à 21h à peu près le repas qui sera servi dans un wagon. C'est votre projet, exactement. Donc, vous pourrez aller manger là-bas. Et pas de là-bas. Manger là-bas. Voilà. Voilà. Tout à fait. Donc, vous voici dans le compartiment de Cassim Polat et du capitaine Barrington. Vous êtes tous les quatre. Vous discutez. Je vous laisse la main. Débrouillez-vous. Moi, quatre dans la cabine. Je me barre. Ben, là, vous êtes je suis en train. Là, c'est bon. Oui, oui, tu es là. Parfait. Donc, allez-y, ça commence. Il n'y a plus de résumé, là. Alors, comment va la foule dans les sauts de wagon ? Je ne vais pas aller voir. Je vais pas aller voir. Ah bah. Attendez, j'avais pas. T'étais pas avec eux ? Si bien, vous, les gens de la haute, je vais pas me mélanger avec le bas peuple. Ce serait bizarre. Bah les oui, autres wagons. Je suis pas les gens de la haute, moi. Non, mais il y a quatre wagons par rapport à ça. Ou tu veux dire directement. Tu parles de ces personnes-là que t'as côtoyé. Ah. En fait, là, tu parles que dans le salon, enfin, dans le wagon où il y a le. Qui sera là, c'est raccroché. Le wagon-lit, là. On est dans le wagon-lit, et là, lui, enfin, waouh. Et voilà, là, voilà. Il y a un team lock de trucs clair. Et. Je sais pas. Enfin, là où t'étais, en fait. Là où tu étais, toi, George Banks, où tu as vu. Oui, c'était le wagon salon. Voilà. Et pendant ce temps-là, ça fait. D'ailleurs, je vais vous mettre une petite musique de train, ça va être sympa. De train. Non, mais je peux aller voir dans les autres wagons, par contre. Je suis juste allé dans le wagon, oui, dans le salon, et fouiller directement. Je me serais attiré de les foudres des gros mastocs là qui protègent les types bizarres. C'est vrai qu'ils sont intimidants. Hein. Je sais pas qui est cette armoire à glace, mais. Il fait bien une toise et demie, c'est un ours. En parlant d'ours, il y en avait un qui avait un tatouage sur lui, qui est apparemment quelqu'un qui accompagne le comte russe, d'après ce que tu as dit. Oui, oui, c'est ça. Et lui, il avait l'air plutôt... pareil, pas commode. Hein. Ça avait vraiment l'air d'un homme de main, et peut-être... il est peut-être dans la paye, quoi, d'ailleurs, vu le tatouage. Tu t'y connais ? La pègre russe, bien sûr, tout à fait. Franchement. Tu me rassures. Non, pas du tout. Si t'as des questions sur Baker Street ou ce genre de choses-là, oui, là, oui. Dans Londres, oui, je suis un collab. Et là, tu poses des questions sur des endroits que j'ai entendu que par des mondanités. Capitaine Barrington. Vous avez toujours la balette avec vous, toujours à portée. Je suis plutôt suggéré de la cacher cette nuit. J'ai cherché à la cacher, il n'y a pas énormément de cachettes, mis à part le coin à bagages. C'est pour ça que je suis resté dans la cabine, entre deux siestes. Peut-être sous le lit, la cachette la plus grosse. Ouais, j'avoue que la cachette... Tu caches le fesse dans l'oreiller. Je crois que je vais la mettre quelque part. Ouais, mais ça serait pas mal, ouais, de la cacher, je pense qu'être prudent. Est-ce que on peut utiliser trouver objet caché pour cacher un objet? C'est pas compréhensible, ça. De quoi? Donc oui, non, trouver objet caché. Trouver objet caché pour cacher un objet. Donc chercher une cachette pour cacher un objet, quoi. Alors... Comment te dire? Je pense brillante idée, n'empêche, ouais. Mais oui, non mais oui, en vrai, c'est super gentil. Je pense qu'il y a, réellement une compétence... Planquage. Attends, ce genre de compétence-là, je les ai peut-être. Hein. Qui sous-entend comment on cache un objet pour te dire, bah du coup, je pourrais cacher un truc là. Moi, je trouve ça, c'est très intelligent. Cacher objet trouvé. c'est ça. Cacher objet trouvé. Alors, attends, il faudrait juste que je prenne un investigateur. Attends, le truc d'un investigateur. Je regarde un peu, hein. Je vois pas trop. Je pense qu'il y avait une compétence avant qui était spot hidden, mais je sais pas comment elle est en français. Non. Il y a rien qui peut. Discrétion, c'est le seul. Discrétion. Oui, elle top. Après, je peux te dire trouver objet caché pour que tu trouves un endroit sympa pour le cacher. Oui, tu arrives à trouver un. Voilà. Voilà, c'est ça. Parce que moi, je me pose la question, dans le wagon, clairement, à part les lattes, il y a peut-être des meubles, peut-être il y a des trucs. On peut le cacher peut-être derrière quelque chose. Voilà, j'ai envie de dire, c'est un peu ça. Mais quelle serait la cachette où on peut le planquer et puis comme ça, on dort tranquillement, quoi. Il faudrait que le mec fasse du bruit. Je comptais dormir avec la mallette sous mes pieds, sous la couette, sous mes pieds, tu vois. Plutôt que de la mettre sous l'oreiller, hein, parce que c'est pas loin de la tête, le fez, il risque de grignoter un truc, on sait jamais. Oui, d'ailleurs, vous voyez que quand vous approchez trop près de la mallette, vous vous sentez un peu légèrement nauséeux, c'est pas. C'est une mallette dans une mallette. Hein. Voilà. Akinamnan nous dit qu'il y a Spot Hidden qui est objet caché. Ouais, en fait, c'est la traduction de trouver objet caché. C'est la traduction de stock. Toc. Oh putain, ils ont une traduction de toc. C'est trop bizarre. Ouais. Non, c'est nous qui avons une traduction de Spot Hidden. Oui, effectivement. Alors, tu vois, toc, il n'y a pas ce charme. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser trouver objet caché pour que tu trouves un endroit. Voilà. Parce que dans ma réflexion. Dans ma cabine. Ah, on joue à cache-cache. Non, mais dans ma réflexion, tu comprendras que si, par hasard, on devrait s'absenter ou quelque chose comme ça, on aura toujours peut-être la valise avec nous, mais quand tu dors, s'il trouve la valise avec toi, il peut t'arriver des problèmes. Enfin, toi, je donne comme exemple, c'est-à-dire que si quelqu'un devait chercher cette mallette, il faudra faire du bruit. De toute façon, pour l'instant, Capitaine Barrington n'a pas vraiment... À part sous mes pieds, je vois pas. Voilà, à part ça, il voit pas forcément de. Alors peut-être que toi, professeur Worth, tu vas avoir une. Derrière la fenêtre du wagon à coller à la coque. Ce sont des amateurs. Après, c'était une suggestion. Une suggestion. Voilà. Ah oui, mais d'ailleurs, Abolas. Tu fais bien de parler de ça parce que j'ai complètement oublié. Ouais, j'ai des kilomètres rouges partout, moi. C'est que j'aurais dû faire des débuts, mais je suis tellement parti dans le résumé que vous allez me tirer. Alors, chacun. Sauf toi, Maxime. Vous allez tous tirer un jet de chance et Maxime, tu vas en tirer deux. Donc, laissez déjà tous tirer et tu le feras après, comme ça, ça aura les deux de suite. Moi, c'est raté, du coup, j'augmente d'un des 10. Et du coup, pendant ce temps-là, Gossel, à la limite, si je vois que mes amis galèrent à trouver une cachette et que je sais de toute façon qu'on a envie de le cacher, étant quelqu'un de prudent, est-ce que je pourrais pas essayer de réfléchir moi aussi la question d'où est-ce que je pourrais mettre ça en sécurité? Tout à fait. Ça m'a pas l'air de l'être. Tout à fait. Genre après, vous, chacun d'entre vous, vous êtes dans la même pièce, vous êtes en train de discuter dans l'endroit où vous pouvez cacher quelque chose. Rien ne nous empêche tous. Oh, de lancer un dé. C'est ouf. Et moi j'ai réussi, moi je fais rien après. Non, mais toi, malheureusement, tu l'as loupé. Maintenant, c'est à Maxime de tirer deux. Le jet de chance, je te parle, le jet de chance, je viens de réussir. Ben oui, ben en fait, pour le jet de chance, il faut le foirer. En fait, ah, faut le foirer, d'accord. Bah merde, je vais foirer, moi. Il est pas content. Alors, déjà, c'est un succès extrême pour Paulade, donc dommage. Dommage. C'est vachement le bon moment de sortir les succès. Tu as de la chance, hein. Oui. Et le deuxième, attention. Ah là, il y a de l'échec. Il est bon. Il y a de l'échec. Et donc là, je lance un des 10, c'est ça? Un des 10, exactement. Ouais. Et tu vas faire 1. Comme c'est 10. Où sont les 10? Ah, là. C'est écrit. Alors, non, 4, c'est déjà bien. C'est déjà du coup, je gagne 4 points. Je vous laisse rajouter vos. Ah, excuse-moi, j'ai pas fait exprès. Je vous laisse rajouter vos points de chance là où il doit être. Et, en tout cas, merci à Bolas de m'avoir fait penser à ça parce que j'avais complètement zappé. Ah, bah arrête. Voilà, c'est bon. Du coup, vous m'avez demandé si c'était possible d'aider à trouver un endroit où cacher cette sacoche. Vous êtes tous dans la même pièce, vous parlez de la même chose, il n'y a pas de problème, vous pouvez tous faire un jet de toc. C'est, oui, voilà. J'estime que vous êtes tous en train de réfléchir à un endroit dans votre tête et voilà, vous trouvez. Moi j'ai 21. Ah non, 52. Et les dix se mélangent. Il y a un succès majeur. Des choses, cacher des choses, pas forcément. On voudrait que les autres trouvent. C'est un peu mon. Et du coup, tu as jeté Worse ou pas? Oui, mais j'ai loupé. Non, mais Worse. Mais toi Xan, tu as jeté ou pas, Xan? Ah oui, j'ai fait 55. C'est bon. C'est un succès, ça? Oui, un succès simple. Donc, vous avez tous réussi. Alors, succès majeur. Vous réussissez tous. Mais il y a George Banks. Parce que lui, c'est un peu son métier. Hein. On est d'accord. C'est un cambrioleur de bas étage, mais un cambrioleur quand même. Il a de bas étage tout de suite. De faire des effractions. Cambrioleur du rez-de-chaussée. Et il sait. T'es père, t'es fils, hein. Il sait exactement les endroits où qui sont les plus sûrs ne pas se faire voler. Je fais n'importe quoi. C'est là que tu sais que tu regardes un petit peu la pièce et tu vois. En hauteur, au niveau d'un des placards du truc, il y a une espèce de renfoncement et tu tapes dessus et la planche défait et à l'intérieur tu as un espace vide. Du coup, tu dis, les gars, si on met ça ici, si vous mettez la sacoche là et que vous replacez la planche, c'est invisible. Personne ne le verra jamais. C'est-à-dire, et en même temps, tu fais savoir que le seul qui pourrait le voir, c'est moi. Mais voilà, en l'occurrence, vous avez la chance de m'avoir. Donc, heureusement que je suis avec vous et pas contre vous. Vous pouvez effectivement cacher la sacoche ici. Et il y a quasiment 90% de chance pour que ce ne soit pas trouvé. Bah, je mets la mallette dedans et je mets mes autres bagages par-dessus, derrière, une fois que la plaquette est. Ok. Donc là, vous êtes plutôt tranquille. Et à la limite, vous pouvez même supposer que vous pouvez tous sortir de la pièce et que vous pouvez partir à peu près tranquille. Il se passera normalement rien de. Pas de drame par rapport à ça. Maintenant, j'irai bien fouiller les appartements de ce Mancaf. Ce Mancaf. Écoute, pour l'instant, on va dire que... J'en parle aux autres, hein, surtout. Vous êtes attendus, pour la plupart, tous, pour vous restaurer. En fait, dès que le wagon sera arrivé à Chalon-sur-Marne, ce qui va pas trop tarder, il sera raccroché au reste de l'Orient Express et vous trouverez là-bas le wagon restaurant où vous pourrez vous restaurer. Mais là, pour l'instant, les gens sont dans le petit salon qui est juste à l'entrée du wagon et vont retourner dans leur compartiment le temps que vous arriviez tous à l'Orient Express. Donc en gros, là, ça reste un petit peu compliqué pour le faire, mais si tu veux toujours essayer, tu peux, hein. On sait jamais. Parce que je me dis, ce type a un lien avec le Fez. Il a peut-être, je ne sais pas si c'est lui l'auteur ou non, du meurtre du collectionneur de Fez. Mmh. Et il fait partie d'un groupuscule dans lequel a été mentionné dans divers textes. J'ai souvenir qu'il a fait partie, il est chef d'un groupuscule. Mmh. Je dis ça, il serait peut-être intéressant peut-être de fouiller ou de creuser un peu la question. Et si en plus il se méfie de nous, alors il faut mieux avoir plus d'infos sur lui. Parce que s'il veut nous tendre un piège ou s'il veut. S'il nous connaît, parce qu'il a l'air de nous connaître, alors qu'on ne s'est jamais vu, alors faudra faire attention. Alors déjà, dans un premier temps, la première chose, si je puis dire, c'est si tu veux essayer d'avoir accès à son compartiment. Faudrait déjà que tu le trouves. Tout à fait. Hein, en sachant que un wagon à Vingoli, c'est à peu près 10 compartiments. Parce qu'il y a 20 personnes par wagon. Donc il faut imaginer, c'est des compartiments de 2 personnes. Donc voilà, en gros, il y a 10 compartiments pour 2. Vous êtes rentré dans le train il y a quelques temps. Bon, ça, des choses ont le temps s'est écoulé depuis, hein, donc le temps s'écoule. Hein. J'estime que ça doit faire à peu près combien de temps maintenant que vous êtes en train de discuter. Ça doit faire bien 40 minutes qui s'est écoulé, le temps que vous parlez de tout ça, le temps de trouver la cachette, le temps de mettre un peu à plat ce que vous voulez faire. Vous étiez dans le train vers 20h, on va dire. Il est 20h45. Vous savez que le train va arriver sur les coups de allez, dans à peu près une trentaine de minutes. Maxime, il fait tout bouger, tu vois. dans une trentaine de minutes à Chalon-sur-Marne. Donc, vous avez un créneau de 30 minutes avant que... Mais il n'y avait pas le dîner à 21h? Ben en fait, le dîner commencera au moment où vous serez raccroché à l'Orient Express, puisque le wagon restaurant. 21h15. Le wagon restaurant est. Tu sais que tu donnes faim en fait? Voilà. Voilà. Parce que là, vous avez que le wagon standard, enfin le wagon du. Il n'y a qu'un seul wagon en fait. Et le reste, c'est un autre. Enfin, c'est un autre. Après. Tu donnes faim et les deux autres, ils donnent envie de boire du vin. C'est vrai? Messieurs. Je sais pas pour vous, mais moi, ce que je proposais, c'est que durant le oh, le seul où c'est vraiment rien, c'est pas de bouffe, pas boire, franchement, super les gars. Non, si jamais il faut pendant le repas, je peux m'éclipser rapidement et dire oh là là, je vais aux toilettes et j'irai en direction de leur wagon pour. Regardez ce qu'il pourrait y avoir dedans. On sait toujours pas quel est leur wagon. Bah, leur au final, on trouvera. Compartiment. Mais c'est surtout une chose. C'est... Si tu y vas, qui te dit pas qu'il y en a pas un troisième? Bah, normalement, on sera tous là pour manger. Et bah, voilà. Il peut demander d'être servi chez eux dans leur compartiment. Bah, s'ils sont comme nous. Je poserai la question. De toute façon, totalement inopiné, vrai luron en mode, mais tout le monde, toutes les personnes qui sont, enfin, tous les invités de l'Orient Express, dire la vérité, enfin, genre, dans l'intérieur. Non, mais On parle là de la... Sans devoir te détailler la vie de tel client qui est en train de manger dans sa loge. Ouais, non, mais juste pour savoir si, si on sera, si y aura tous les voyageurs de l'Orient Express qui seront, mangeront dans le salon. Moi, je dis qu'il faut quand même miser sur la prudence, que enfin, genre, si effectivement il y a une troisième personne, enfin, genre, on est quand même, il va falloir que tu lui fasses face. Alors, à savoir que je mets juste un petit truc, c'est que dans l'Orient Express, ils ont un wagon-restaurant. Le wagon-restaurant n'est pas assez grand pour accueillir tous les voyageurs du train. Non, sachant que dans l'Orient Express, à cette époque-là, il n'avait que deux wagons-lits. Hein, donc, deux wagons de 20 personnes chacune, donc 40 en tout. Et qu'il y avait des services. Parce que voilà, vous pouvez pas accueillir tout le monde. Donc du coup, tu as un premier service qui prend les voyageurs d'un wagon, okay. Et le deuxième ouais. service d'un autre wagon. En sachant que vous irez tous si manger en même temps dans le wagon 1. Mettons, vous êtes dans le wagon 1. Tout le wagon 1 ira manger à telle heure et le wagon 2 ira ouais. manger à une autre heure. Voilà. Et du coup, justement, est-ce qu'on sait dans quel wagon Mais là, en gros, tous les gens que vous avez croisés ici. Vous êtes tous partis du même wagon. Sachant okay. que les gens qui sont dans les autres wagons sont déjà raccrochés à l'Orient Express en ce moment même et vous allez les retrouver. Mais c'est tout. Voilà. Donc là, sachez que tous ceux qui sont ici seront avec vous dans ce wagon. Après, s'ils nous suivent aussi sur l'Orient Express, on pourra fouiller plus longtemps dans l'Orient Express. Oui, voilà, c'est ça. Un peu plus long. Ouais, surtout qu'il y a des pauses à des moments, donc. Voilà, vous savez que une fois que vous serez à Chalon-sur-Marne, que vous partirez, le premier arrêt effectif sera à Strasbourg et il sera à 3h43 du matin. Ensuite, vous aurez un autre arrêt, celui-ci sera à Stuttgart et lui sera à 6h41, à Ulm à 8h18, à Munich à 10h21, à Salzbourg à 12h46. Et viennent à 17h50. Donc, possiblement, la venue du baron von Neufleur. Voilà. Hein? Il y en a un arrêt d'une heure à chaque station. Non, en gros, ça dépend des arrêts, mais généralement, bon, c'est pas un TGV ou un train corail d'aujourd'hui. Hein, donc, il y a toujours des arrêts pour faire le plein de flotte, tout ça. Il y a des gens qui descendent, qui montent. Ils font le plein de trucs quoi. Genre s'il faut mettre des tables, s'il faut mettre des trucs, voilà. Donc c'est pas 5 minutes quoi. L'arrêt, il est effectif de plein d'eau surtout. Voilà, genre 20 minutes, 25 ouais. minutes, voilà, 30 minutes, c'est variable en fait. Ouais. Donc oui, on a du temps à des moments ou de pause, etc. Exactement. Mais en fait après dans l'Orient Express, c'est plusieurs wagons, on va peut-être se croiser, peut-être on aura des occasions. C'est vrai. Ouais. Déjà, il faut se renseigner où se trouve leur compartiment et après on avisera. Voilà, on discute un peu dehors, en dehors de nos compartiments, de tout et rien, et on verra. Ouais. On trouvera au bout d'un moment. De toute façon. Du coup, là vous êtes dans. Pour l'instant, vous êtes toujours tous les quatre dans le wagon de Cassim, enfin de Polat et de Barrington. Qu'est-ce que vous faites? Déjà, on vient de discuter de cette possibilité ou pas d'espionner. Mm-hmm. Je pense qu'on s'est mis d'accord d'attendre l'Orient Express. Comme ça, on aura plus de temps et plus de possibilités. Maintenant, c'est vrai, qu'est-ce qu'on fait là tout de suite maintenant? Est-ce qu'on a un champ d'action à effectuer tout de suite ou est-ce que ça a l'air. Faut juste pas paraître suspect, je pense. Honnêtement. Donc, peut-être retourner dans nos wagons et attendre. Voilà, honnêtement, ouais, pour l'instant, là, les gens, le plus ils prudent sont. Le plus... Oui, enfin, genre, je pense que de toute façon, là, on est trop proche du changement. Moi, je ne bougerai pas de mon wagon, puis je me ferai servir à manger dedans. Enfin, de mon wagon. Je pense que c'est une bonne idée, comme ça on reste quand même proche. Ok. Ouais. Bah, du coup, le temps s'écoule, et effectivement, sur les coups de 21h15, vous arrivez à Chalon-sur-Marne. Votre wagon est décroché, vous sentez des grosses secousses, vous êtes toujours à l'intérieur, et le wagon est amené directement à accrocher à l'Orient Express. ils en ont pas de Thompson. Et vous êtes accroché officiellement. Vous faites partie maintenant de l'Orient Express. Vous êtes sur un train mythique. Voilà, ça y est, vous en êtes. Votre premier arrêt officiel du, en tant que voyageur de l'Orient Express est à Strasbourg à 3h43. On va considérer que maintenant on passe le deuxième jour donc, qui sera donc jeudi. Vous ferez un arrêt à Stuttgart, ensuite un arrêt à Ulm, un arrêt à Munich, un arrêt à Strasbourg, deux arrêts à Vienne, donc deux gares différentes qui sera Comment ça un arrêt à Strasbourg? On revient à Strasbourg? On finit non, Strasbourg. Strasbourg. Il y a des bonnes saucisses là-bas. Voilà. J'y suis allé. Après deux arrêts donc à Vienne à deux gares différentes, donc la Westbahnhof et la Stadtbahnhof, un arrêt à Budapest. Bien sûr. Ensuite le troisième jour donc ce sera le vendredi, vous ferez un arrêt à Belgrade, un arrêt à Nice, un arrêt à Sofia et enfin le quatrième jour c'est votre arrêt final. Arrêt pipi. À Constantinople. Voilà. Voici à peu près le cheminement de votre trajet, en sachant que... Alors, il m'en manque un dans mes notes, c'est juste après Strasbourg, c'est le tour. Non, arrête à la bolasse. Stuttgart. Il y en a qui ont essayé. Il passe par Pau, ouais. Et c'est la deuxième journée, ça? Ça, c'est la deuxième journée, ouais. À savoir que, évidemment, le trajet de l'Orient Express... Ah, il a dit un gros mot là. De l'Orient Express en 1893 n'est pas le même que celui que vous prendrez. Bien sûr. Mais j'ai les notes et je sais où on va. Voilà. Donc là, vous savez le trajet. Donc, effectivement, vous êtes raccroché à l'Orient Express. Vous faites partie. Et des gens, des employés viennent frapper à vos compartiments, vous invitant à venir vous restaurer dans le wagon restaurant, puisque vous pouvez venir désormais. Mais que si, pour des raisons ou une autre, vous voudriez vous faire amener votre plateau repas, enfin votre repas dans votre compartiment, il n'y avait pas de souci, on pouvait tout à fait le faire. Donc, que faites-vous? Je me fais servir. Oui, c'est une bonne idée ça. Donc tous. Est-ce que quelqu'un reste avec Moi, je vais manger là-bas. Moi, on va tous là-bas. Ouais, je pense qu'on va, nous, on va aller là-bas et on va laisser tout simplement le capitaine seul dans sa cabine. Et je te conseille d'ouvrir les oreilles. Et après. Capitaine, on vous laisse. Donc, vous reviendrez quelques temps plus tard. Le capitaine sera endormi, comme avec de la bave aux lèvres. C'est pas grave. C'est pas une bouteille de vin finie dans une main, une bouteille de whisky dans l'autre. Gros cognac. Tout s'est bien passé. Il ne s'est rien passé. Et là, le compartiment est vide. Donc, effectivement, vous décidez donc de laisser le capitaine Barrington seul dans la cabine, qui lui va prendre son repas en marge de tout le monde. Avec un œil sur la mallette, et vous décidez d'aller manger dans le wagon restaurant. Vous vous dirigez là-bas, vous êtes accueilli par un des employés, et vous voyez que déjà des gens sont attablés. Des gens que toi, monsieur George Banks, et toi, le professeur Wears, vous avez déjà vu pour certains. Il y a d'autres personnes que vous n'avez jamais vues qui sont présents aussi. Et donc du coup l'employé du train vous fait vous dire voilà, vous pouvez vous asseoir ici, donc c'est une table de 4, vous vous attablez ici. Vous voyez que au fond, à gauche, une table de 4, sur cette table vous pouvez voir le fameux Hieronymus Mein Kampf avec son molosse. Sur la table du fond à droite, vous pouvez voir l'homme avec qui était bien habillé, hein, le comte, mais qui est cette fois-ci accompagné de la comtesse ainsi que de l'homme qui était là pour veiller peut-être sur sa sécurité, a priori, ce que vous en pensez. Vous pouvez voir que le comte. Et tu es un homme assez raffiné, avec une barbe taillée de façon très soignée. Il arbore un habit avec des tissus très luxueux. Que c'est un homme, on va dire, d'une cinquantaine d'années. La comtesse, elle, est une femme sublime. Mais alors d'une beauté, mais exceptionnelle. elle aussi arbore une robe très soignée. Elle est blonde, une coupe de cheveux princière, enfin voilà, telle une princesse de Russie. Et cette femme est beaucoup plus jeune que le comte. Elle a une vingtaine d'années. Vous vous rendez compte très vite qu'elle se fait littéralement chier avec le comte, puisque celui-ci lui parle et elle, elle est plus intéressée par le mur que par ce que peut dire le comte. À côté d'eux se trouve donc le garde du corps, et vous pouvez voir un autre homme que vous n'avez pas vu jusqu'à présent, qui lui aussi est tout à fait, est très soigné et très habillé, et qui est assis aux côtés de la comtesse. Et d'ailleurs, vous pouvez noter de temps à autre que des regards très furtifs sont échangés entre elle et cet homme, qui est beaucoup plus jeune d'ailleurs. Oui. Alors, j'ai deux questions. Oui. La tranche d'âge de la comtesse et de cet homme-là en question, est-ce qu'elle coïncide à peu près ? Alors, je vais te dire ça exactement pour pas te dire de bêtises. Oui, en gros, pour te donner l'âge exact, même si t'es pas censé le savoir, la comtesse Irina, parce qu'elle s'appelle Irina Razumovsky, de toute façon, vous l'aurez su de toute façon à un moment donné, est de 25 ans. D'accord. Tandis que l'homme, quand vous le regardez à peu près, vous savez pas vraiment, vous pouvez noter entre 25 et 30 ans. D'accord. Voilà. Et deuxième question, est-ce qu'ils ont l'air d'avoir un air de famille, la comtesse et le comte ? Ou bien c'est... Enfin, c'est pour savoir si c'est sa femme, sa fiancée, ou bien si c'est sa fille. Non, a priori, de ce que tu as su avec l'employé, c'est sa femme. D'accord. Voilà. Voilà. Ensuite, vous pouvez voir donc sur une autre table la fameuse journaliste écossaise qui est dans ses écrits. Elle mange et en même temps elle écrit. Elle est à fond dans ce qu'elle fait. Une autre femme mange à une autre table toute seule aussi. Et voilà. Et donc c'est la journaliste. La journaliste, elle est, vous l'avez vue, elle est toute seule, elle écrit. Mais il y a une autre femme aussi, en plus. Une autre femme. Voilà. Voilà. Tu sais, là, je suis en train de faire un plan du wagon restaurant avec les places, ceux qui s'assoient. C'est n'importe quoi. Très bien. Est-ce qu'on peut s'asseoir du coup à une table où on peut s'asseoir à une table déjà occupée? Non, on est assis à une table pour nous trois. Oui, vous avez une table de 4 et vous essayez à 3 dessus, quoi. Pas de soucis. Donc on vient vous voir pour vous proposer les plats du jour. Bien sûr, pour toi, Monsieur Polat, on te propose des plats qui sont adaptés à tes habitudes religieuses qui sont que tu ne manges pas de porc évidemment et que on ne te propose pas d'alcool exactement. À part si tu voulais en boire. Alors on te propose pas d'alcool. Par contre, pour vous deux, bien sûr, si vous voulez boire quelque chose, n'hésitez pas. Pour eux deux, Binouze. Voilà. Binouze et sauciflard. Voilà. Du whisky. Ce n'est pas trop prudent. Je suis d'accord. Oui, vous ça serait bizarre déjà qu'on ne boit pas. Ça attirerait l'attention, je pense. Disons que j'ai des problèmes de santé. Je commence à me faire un peu vieux. Ouais, bah. Parlez pour vous, maman, c'est bon. Tu fais semblant de boire, tu verses dans la plante. D'ailleurs, malgré la bande son que vous pouvez entendre, parce que je vais pas m'embêter à les attendre chaque fois, là vous sentez que pour l'instant le train ne bouge pas. Il est toujours à l'arrêt, vous n'êtes pas encore parti, en sachant que le train partira en gare de Chalon à 22h26. Voilà. Non mais. Bon, servez-moi un vin. un vin blanc alsacien, et puis voilà, c'est bon. Bien, monsieur. On est pas encore. Pas de problème, monsieur. Je vous propose un petit Gewürz, peut-être. Parfait. Parfait. Voilà. Tu vois qu'il prend le culot, machin, le petit chiffon qui va bien, et qu'il verse ça d'une façon tout à fait majestueuse dans ton verre, et en veillant, bien sûr, qu'il n'y ait aucune goutte qui tombe sur la table ni sur la bouteille. C'est fait de façon professionnelle. Nous sommes dans l'élite du transport en ferroviaire, c'est l'Orient Express. Voilà. Et pour vous, monsieur Wells ? De l'eau, s'il vous plaît. De l'eau, bien sûr. Il t'amène une carafe sublime avec un bouchon en cristal qui te dépose et il te sert également un verre d'eau. D'ailleurs, tous les verres, vous pouvez noter, sont en cristal. Vous avez sur la table différents couverts en fonction des plats que vous allez manger. Les assiettes, c'est pareil. Et voilà, en fonction des plats que vous allez prendre, vous aurez... bien sûr, il faut connaître les us et coutumes de la bourgeoisie et de la noblesse. Sauf que George Banks n'a pas trop l'habitude de gérer. Et voilà, vous voyez George Banks qui boit son verre de Gewürz comme s'il était à la taverne du coin. Alors que on peut noter que les gens hument un petit peu ce verre plein de... En même temps, c'est que du vin alsacien, du vin blanc alsacien, t'as rien à humer, hein, tu bois, hein, franchement, ça se mange avec la choucroute, alors... Mais oui, mais... il y a un certain standing à respecter, ne sois pas là, dans la taverne du coin. Bon. Sur ce, on vous ramène des plats qui paraissent aussi beaux qu'ils sont bons. Donc vous régalez. Vous êtes en train de manger. Qu'est-ce que vous faites ? Vous voyez que les gens... J'ai toujours apprécié la cuisine française. Ouais. Oh oui. Bien que je ne suis jamais contre un plat local de chez moi. Qui ont, on peut le dire, un peu plus d'épices. Georges, c'est la première fois que vous prenez le train... pour quitter l'Angleterre. C'est pas vrai que je quitte l'Angleterre déjà. Oui. Après le train, de rentrer dans le train pour aller de l'autre côté de Londres. Enfin, de l'autre côté de Londres. Enfin, de l'autre côté de la région. Bon, après, vous payez pas forcément le billet. Mais ça, c'est qu'un détail. Hein, de toute façon, là, j'ai pas payé non plus. Alors. Ouais, mais là ça reste légal. Je m'en maintiens à ton ticket. À mon credo. D'ailleurs, je tiens à préciser que de ton côté, capitaine Barrington, on t'a apporté ton plat. Tu manges seul, dans ton compartiment seul. Il n'y a pas un petit avec ton verre seul. Et j'écoute la radio. Alors, la radio n'est pas disponible à ce moment-là. Mais. Tu repenses peut-être à des faits de guerre d'Afghanistan ou tu te rappelles le nombre de personnes que tu as égorgées ou passées à la baïonnette. Je ne sais pas. Ouais, mais que des horreurs de guerre, tu as des bons souvenirs, des horreurs. Voilà, et de temps à autre, tu te rappelles, mais ça c'est moins sympa, ce que tu viens de vivre récemment, notamment ce monstre horrible que vous avez croisé à Londres. Et voilà, et les mauvais rêves que tu as pu avoir ces derniers temps. Donc tu es partagé un peu entre tout ça, la fatigue étant et l'alcool aidant, et bien à un moment donné, tu commences un peu à t'assoupir. Mais vous avez spoil avant d'aller manger, les gars. Il vous a dit que j'allais boire mon pinard de la bave aux lèvres et que j'allais... Aïe, aïe, aïe, il est terrible. Oui, mais il a aussi dit que tout se passe bien et que quand on revient, tout se termine. Ouais. J'ai juste envie de faire un saut dans le temps. Là, on aura envie de flashback, mais on est déjà rentré. Tout va bien. Je retourne à nos trois acolytes qui sont en train de manger et se restaurer et boire comme il se doit. Vous avez tous les convives qui discutent. Voilà. Oui. J'essaye de voir un peu ceux qui... Comment ils s'appellent déjà Mencaf, ouais, parce que c'est quoi déjà Hieronymus, un truc comme ça. Hieronymus, mais elle dit Mencaf. Il mange la même chose que tout le monde ou il mange la même chose que notre ami le professeur? Il mange la même chose que le professeur. D'accord. Et eh ben écoute, moi je vais rebondir sur ce qu'a dit le professeur Kazim Polat. Excuse-moi. Nous sommes collègues. Au pire, tu dis le professeur. Que moi. Tu l'appelles le professeur Polat et puis voilà. Ouais, voilà, professeur Polat. Je rebondis sur ce qu'il a dit, c'est que les mets turcs sont incroyablement raffinés et je suis très enthousiaste à faire ce voyage pour aller goûter les fameux baklava de Istanbul. Et disons que j'ai déjà la bave aux lèvres. Dis Constantinople parce qu'officiellement Istanbul n'existe pas. Tu vois, j'ai une flèche dans la nuque là qui me tue. Constantinople, s'il te plaît. Alors respecte la timeline. Ouais, Constantinople. Byzance. Ouais, voilà. Quand j'entends ça, moi je suis en mode. J'ai rien compris. Et Alors, je me finis. Donc, et justement, je donnerai cher pour goûter peut-être encore des spécialités du royaume ottoman. Hein. Mais ça, tu le dis à qui? À Polat? Un peu comme ça. De façon ouverte. Sait-on jamais, ouais. Au cas où quelqu'un l'entendrait qui n'est pas à cette table. Mais, d'ailleurs, tu peux noter qu'au moment où tu dis ça, effectivement, il y a quelqu'un qui réagit à ce que tu dis. Voilà, et c'est moi. Le fameux Mancaf qui, tu le vois, il hoche la tête de façon assez positive, dans le sens, il va dans ton sens et te dire que, effectivement, même s'il parle pas, tu sens qu'il a entendu ce que tu as dit et il a un petit sourire, voilà, il est d'accord. Mais il ne parle pas, il fait juste, c'est vrai, oui. Le houmous, le thé à la menthe. Alors que le gros molosse à côté. Vous allez pas nous faire une liste quand même. Alors que le molosse à côté a zéro réaction et continue à manger son assiette comme si il se passait rien à côté. Je continue un peu à énumérer quelques plats comme ça et puis. Oui, bon, moi j'ai compris. Vous en avez marre du fish and chips. Oui. Disons que pour certains, ce n'est pas de la cuisine. Ah oui, bien sûr, hein, c'est pas de la cuisine. Ça, et les faillots au petit déjeuner, c'est pas un vrai petit déjeuner. C'est ça que vous allez me dire. Hein. Ouah, quand même, ça manque un peu de. Bah, après, vous êtes british, hein, vous pouvez pas critiquer votre breakfast, enfin l'English breakfast. Mais oui, je suis turc. Non, okay. non, mais je parle à celui qui est au-dessus de ta tête pour moi, là, le professeur Worth, ne peut pas critiquer l'English breakfast. Enfin, je veux dire, c'est comme si un anglais critiquait le tea time, quoi, c'est pas possible. Jamais. Mais le thé à la menthe, j'apprécie. Voilà. Mais tout à fait, c'est d'ailleurs délicieux. Enfin, quoi qu'il en soit, le temps c'est cool, vous parlez de choses et d'autres, le professeur Worth énumère tous les plats qu'il connaît d'Orient. Et j'en connais. Et tout ça en regardant du coin de l'œil si Mancaf à chaque fois réagit de façon positive, ce qu'il fait par moment, même s'il le fait pas toujours. Et le temps c'est cool, et jusqu'au bout, au bout d'un moment, vous sentez le train qui... Ah. Et qui commence à tirer et vous êtes en mouvement. Le train est parti. Vous êtes en direction de Constantinople. Il est donc, vous le savez, puisque le train part, 22h26 parce que l'Orient Express est ponctuel. Nous sommes dans l'élite du transport ferroviaire. C'est toujours ponctuel. Que faites-vous? Évidemment. Vous voyez, enfin, juste avant ça, vous voyez que certaines personnes commencent à quitter leur table, notamment la journaliste qui commence à partir, qui remercie les employés pour le service, qui apprécie. La femme qui était toute seule également retourne a priori dans son compartiment. Le comte et la comtesse s'en va. Le comte reste à table en compagnie du jeune homme. Enfin, du gars de 30 ans, il commence à discuter et vous voyez l'homme de main qui suit un peu la femme en mode. Voilà. Je suis en mode Robocop, tu vois. C'est un gorille. Voilà. Par contre, pour l'instant, les autres Mancaf et son Koubiak ne bougent pas. Que faites-vous? Vous faites rien. Moi, je suis J'en ai peut-être un peu trop dit, je laisse un peu les autres. Moi, j'ai envie de demander quand même un jeu de cartes à la serveuse qui est pas loin, tu vois. Vous préférez pas faire un jeu d'échecs, Georges? D'accord. Si vous voulez, professeur. Si tu veux, professeur. Eh bien, écoutez, madame, pas de jeu de cartes. Enfin, apportez-le quand même, mais apportez aussi un jeu d'échecs. Tout à fait. Monsieur le professeur, on va jouer aux échecs. La femme qui s'exécute, qui part dans un autre endroit du train et qui revient 5-6 minutes plus tard avec une mallette qui contient donc le jeu d'échecs et un jeu de cartes qu'elle pose sur la boîte et dit voilà. Bien, voilà, tout est là, messieurs. Je vous souhaite une bonne soirée. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Oui, bah merci beaucoup. Un petit digestif, si c'est possible. Bien sûr. Je commence à installer les jeux. Je commence à installer les jeux et je dis à Georges. je dis à Georges, est-ce que vous suivez les échecs, Georges? Savez-vous que le champion actuel d'échecs est russe? Et c'est un génie, un véritable génie. J'ai entendu dire qu'il arrive à faire 16 parties d'affilée sans avoir avec un bandeau sur les juste en sachant le coup précédent. C'est incroyable, vous imaginez quand même l'intellect de cet homme. Et quand tu dis ça, tu vois que le comte réagit tout de suite à ce que tu dis. Limite, il vous interpelle de loin. Il dit, c'est vrai, j'ai moi-même... pu rencontrer cet homme. Il est très très très fort. Vraiment? Vous l'avez... J'ai pu jouer un petit peu avec lui et malheureusement l'issue était courue d'avance. J'ai perdu. Vous êtes un joueur d'échecs? Il m'arrive parfois de pratiquer ce jeu très intellectuel. Mais oui. Ça fait travailler les ménages. Et plus que ça, ça fait travailler... ce sentiment de supériorité que nous avons tous, essayer de comprendre son adversaire et son intérêt et discerner la stratégie. Tout à fait, tout à fait. Mais installez-vous si vous désirez faire une partie. Non, mais par contre, ce soir, prendre la place, hein, monsieur. Je ne me tenterai pas de jouer avec vous ce soir. Mais je suis assez fatigué. Je vais aller me coucher. Mais pourquoi pas un autre soir? Il n'y a pas de problème. Quel est votre nom? Vous me semblez quelqu'un, certainement, vu votre langage et votre accent, et surtout que vous arrivez parfaitement à parler notre langue, je pense que vous êtes de la noblesse. Je suis le comte Rudolf Razumovski. Voilà. Bon, vous avez pu voir ma femme passer, la comtesse Irina Razumovski. Que vous avez de la chance, elle est magnifique. Un membre de ma famille, Peter Trubowski, qui te présente le gars de 30 piges. Voilà. Et mon homme de main qui est là pour notre sécurité, vous comprenez, un comte et une comtesse russe à l'étranger, qui se doit d'être protégé. Très bien, mais j'imagine que vous avez peut-être fort à faire, mais à l'occasion, mangeons ensemble peut-être ce soir, qu'en dites-vous? Je pense que là il est déjà tard. Excuse-moi, mais il est 22h. Mais une autre fois, il n'y a pas de problème. Je pensais qu'on était l'après-midi, excuse-moi. Oui. Décalage horaire entre l'Angleterre et la France? Non, il n'y a pas de... Voilà. C'était dit, il fallait que je le fasse pour faire un petit clin d'œil à un joueur qui est présent, et j'avais dit que je le ferais, donc je l'ai fait. N'est-ce pas, Maxime? je vois mal un russe arriver à l'étranger et parler avec un accent arabe. C'est bien joué, du coup. Voilà, c'est ça. Donc, vous voyez qu'il se lève. Il se lève et il s'en va l'autre personne, l'autre homme. Son frère. Son membre de sa famille. Ouais. Bon, monsieur Worf. C'est celui qui a le tatouage, on est d'accord. Non, c'est. C'est clairement en anglais. En fait, c'est son cousin. C'est le cousin du comte. Le cousin Peter. Voilà, le cousin Peter. Dubowski. Que c'est pittoresque. Voilà. Et du coup, bah, il s'en va et il vous salue au passage. Il vous dit à une prochaine. Voilà. Bonne nuit. Passez une bonne nuit en tout cas. Donc vous voilà avec le plateau d'échecs, les cartes. Kassim qui vous regarde avec un air je ne sais pas comment. En mode. Bon petit Wars. Vous voulez me foutre ma raclée, c'est ça, pour prouver que vous êtes plus intelligent. Je pense que comme l'a dit notre cher ami, il commence à se faire tard et vous savez, l'arrêt à Strasbourg à 3h, je ne serai toujours pas réveillé, mais je sais que je vais certainement avoir des petits soucis durant cette nuit. Ah, je dis ça, mais oui, ça continue. Vous devez aller au sel. Ouais, c'est ça. Au latrine. Oui. Bon alors. Oui. Vous jouez ? Non, je pense qu'on va plutôt aller se coucher. D'accord, donc vous voyez que sur le front de George Banks, il y a une goutte qui coule. Dans le sens qu'il a failli se sentir ridicule, alors il est passé à peu de choses près d'une humiliation, parce qu'en fait il ne vous a jamais dit, mais il ne connaît pas les règles des échecs. Voilà. Il est ignorant, il ne sait même pas le nom de serait-ce que les pions du truc, donc. C'est comme les hommes, de toute façon. Échappé belle. Au pire, il t'aurait pris au poker, ou à la belote peut-être. Ou au jeu de cette famille. Mais la bataille, on peut aller jusque-là. Mais voilà, ça s'arrête là. Backgammon, tout ça. Vous retournez tous donc, j'imagine, dans vos appartements. Vous retrouvez d'ailleurs. Est-ce que vous allez tous voir l'état de fatigue du capitaine Barrington, ou vous allez dans vos appartements et le seul qui ira voir c'est Paul Abbott. J'ai vu confiance. Je verrouille. C'est pas les journées portes ouvertes. Là, tout le monde sort. C'est quoi ces conneries là? Oui, mais j'estime que Paulat a un moyen de rentrer, donc lui aussi a un pass pour rentrer. Il est censé même avoir mangé avec moi, tu vois. Mais non, en fait, il a dit qu'il suivait après la troupe. Hein. Mais j'avais demandé, moi, si vous voulez rester. On m'a dit non, on le laisse seul. Hein? Bah, quoi qu'il en soit... M'accusez pas. je pense que vous retournez dans vos appartements respectifs, j'imagine. Oui. George Banks, tu vas dans ton appartement? Ouais, je prends le jeu de cartes quand même, mais je laisse le jeu de dames là avec des pions bizarres. Il va marquer les cartes pour... Ce qu'on va faire, c'est ça, c'est que chacun retourne dans ses compartiments respectifs. Toi, Kassim Paulat, au moment où tu rentres dans le compartiment, effectivement, tu retrouves un Barrington qui s'est juste effondré sur son plateau. Il a quand même réussi à manger un petit peu, mais il a quasiment le nez dans la purée parce que il était juste très fatigué. Par contre, tu notes une chose, c'est qu'il a quand même fini la bouteille. Ça, il a fini la bouteille. Toujours sécher les lacs avant de les boire. On emmerde pour deux verres et lui on laisse finir une bouteille tranquille. Il était tout seul, personne ne surveillait. Voilà. Donc tu rentres discrètement, tu veux pas le réveiller. Tu veux venir manger avec moi. Tu sais qu'il a eu des nuits difficiles ces derniers temps. Mais tu refermes le compartiment doucement. Et même, tu vois, genre je retire la nourriture, enfin genre. Et je le couche s'il y a besoin. Il est un petit peu allongé sur sa couchette. Il a juste un peu. Il va finir mon plateau repas, je crois, dans son coin. étant donné que tu es quelqu'un d'assez discret, généralement, c'est pas un problème pour toi de faire ça en toute discrétion. Tranquille. Et tu te couches. Bien sûr. De ton côté, George. Sans avoir oublié de vérifier que rien n'a bougé, bien entendu. Eh bien, effectivement, rien n'a bougé. Tout est dans l'état où vous l'avez laissé quand vous êtes parti. George Banks, pareil, tu rentres dans ton compartiment accompagné du professeur Worth. A priori, de toute façon, vos affaires, tout ça, n'ont rien à bouger. Tu te mets dans ta couchette, ton petit jeu de cartes à la main pour je sais pas, te rappeler les petits tours que tu faisais dans la rue, histoire de ne pas perdre la main. C'est ça, tu vois, je me tire les cartes en même temps. Et au bout d'un moment, j'estime que. Ils sont pas tout seuls. Vous vous endormez. J'estime que vous vous endormez. pendant la nuit, il y aura un arrêt, celui de Strasbourg, qui s'arrête à 3h45. Celui-ci, vous êtes tellement fatigué que vous avez pas eu vent de cet arrêt. Pour vous, rien n'a... Maintenant, alors ce serait bien que notre ami Worth soit là. Mais je vais vous demander en avance, on le fera après avec lui. Vous allez me tirer un jet de... Santé mentale. Non, pas, je vais pas vous faire un jet de santé mentale quand même. Et vous n'avez pas remarqué, il y avait des grosses tentacules qui vous suivaient partout. Ah oui, par contre, n'oubliez surtout pas de cocher... De noter voilà. Ce qu'on... Les trucs que vous réussissez. Du coup, un jet de quoi? Mais est-ce que ça a vraiment du sens de noter sur des personnages d'un... Bon, sûrement, je te fais confiance. Non, en fait, ce sera pour le scénario à la fin. Et ouais, quoique... Ouais, c'est vrai que c'est pas vos personnages. Bah, après, je sais pas, peut-être... Mais pour moi, c'est automatique, comme ça, je le ferai sur la fiche de base. Ouais, voilà, prenez-le. On fera pas pour celui-là, mais je vous ferai quand même un petit bonus... pour vos personnages principaux, mignon. Parce que vous avez fait quand même quelque chose, il faut quand même que vous soyez récompensé. Ouais, j'ai envie de dire que de manière roleplay, tu devrais punir tes joueurs d'essayer de gagner des points comme ça. Ouais, je mais... Je pas sur les doigts. Non mais je rigole. Donc, il y a le bon, c'est MJ, laisse tranquille. Voilà, j'essaye quand même d'être quelqu'un de sympa, parce que vous allez tellement morfler plus tard que je vais essayer de pas, tu vois. Même à bout de la cible, il est gentil, 3 petits points. Vous allez me faire un. Bah, il arrive, vous allez me faire un jet de toc. Allez, un jet de toc, j'ai envie de. Bon, on est pas en train de dormir? Que se passe-t-il? Oh, petit poil! Oh, gros échec. Gros échec, sa mère. Gros échec, sa mère aussi. Moi, ça va. Bah, du coup, vous pouvez pas cocher la case rouge? Et toi, il faut que tu fasses un jet de toc, mon ami. Il l'a fait. J'ai fait 55 pour 65. Ah, donc vous êtes deux à avoir réussi ? Oui. Oui. Alors, ça tombe bien puisque vous êtes tous les deux dans la même cabine. À un moment donné, en fait, vous êtes réveillés tous les deux par un coup de sifflet. Vous savez, le fameux... Fiit. Tu sais qu'on peut... Moi, je suis un gentil MJ. Et vous ouvrez les yeux et vous regardez légèrement dehors. Enfin voilà, ça vous fait. Et toi, justement, Worth, tu reconnais quelqu'un. Et tu reconnais que c'est l'homme qui discutait avec Menkaf et qui vous avait suivi pendant tout le trajet. Et tu vois que ce gars-là, en fait, quitte le train à donc l'arrêt où il s'est arrêté, où vous êtes à Stuttgart. Et tu vois qu'il s'apprête à descendre du train. Du coup, on a déjà passé Strasbourg. Ouais, c'était pendant la nuit, vous avez dormi, donc vous n'êtes pas réveillé. Ah oui, d'accord. Et là, vous... Mais il est réveillé, notre ami... Worth. Ouais, je sais pas, tu parlais de... Ouais, mais... Des problèmes. Bah non, mais là, je me suis réveillé à Stuttgart, donc ça marche aussi. À Stuttgart. Okay. Donc, tu remarques que, du coup... Ce gars-là est en train de quitter le train, il a sa valise, il s'en va, et du coup tu fais un petit shoot à ton acolyte, qui de surcroît, et ça c'est juste pour moi mon côté un peu rigolo, et que vous aviez mentionné à la dernière session, mais comme ça fait très longtemps, à savoir que il y a des suspicions entre vous deux, comme quoi le professeur Worth serait peut-être le père de George Banks, mais ça c'est des rumeurs, on sait pas trop. Je ressemble pas à ce coup. Alors juste un truc, mon perso ne sait absolument rien sur ces rumeurs. Voilà. C'est marqué, j'ai mais voilà, hein, ce serait des rumeurs, on dit que. Mais bizarrement, ils sont dans la même cabine tous les deux. Je sais pas. Et du coup, tu vois que tu shootes un petit peu George Banks et tu lui montres ça et tous les deux, bah voilà. Vous voyez que cet homme quitte le train. Voilà. C'est tout. Monsieur Worth, arrêtez de dépier les gens là, ça se fait pas. C'est l'homme qui nous suivait, celui qui avait un regard et qui parlait à Menka. Ah, mais vous êtes comme ces vieilles anglaises là, qui ont peur qu'on leur vole leurs bijoux. Attends, Georges. Et moi, je connais les vieilles anglaises qui ont peur qu'on leur fasse leur bijou. Comme un autre, on parle d'un chapeau qui est capable d'aspirer ton esprit. Tu l'as vu comme moi. Donc, je me méfie. Moi, je préférerais qu'on me le vole, ce machin-là. Hein. Comme ça, c'est plus mon problème. Voilà. Moi, je suis juste parce que c'est payé, hein, faut le savoir. Mais si jamais. Est-ce que je l'ai vu avec une mallette? Il est parti sans bagage? Non, il est parti avec son bagage à main qu'il avait déjà. D'accord. Il y a rien que. Je sors du coup. Je sors la tête dans le couloir. Écoute, tu vois que. Mis à part quelques employés qui passent, dont un te salue. Ah, bonjour, monsieur Wurst, comment allez-vous? Vous êtes bien matinal. Bonjour. Quelle heure est-il? Il est 6h41, très exactement. Nous venons d'arriver à Stuttgart. Partons d'ici 20 minutes. 20 minutes? Oui, le temps de charger, de quoi réalimenter en charbon. Alors, c'est une loco à bois, donc en bois la loco, et nous repartons. Dites-moi, il y avait d'autres personnes très matinales ce matin? Bah, à part je suis le seul à m'être levé. À part ceux qui doivent descendre, qui devaient descendre à Stuttgart, c'est tout. Je crois qu'il y a eu une personne qui est descendue. C'est un ami de Monsieur Benkaf, je crois. C'était sa destination. C'était sa destination. Très oui, bien. Oui, il me semble. C'était indiqué comme cela. Pardonnez-moi, il faut que j'aille voir. Un de mes amis. Et du coup, je vais à la cabine juste à côté. Là où il y a mes amis. Ouais, j'ai juste. George qui a levé la main. Ouais, non, mais c'était pendant qu'il faisait ça. Moi, en fait, je voulais aller justement voir si le fez n'a pas été dérobé. Ah, et t'as le même sentiment que moi, tu vois. Parce que je savais que vous alliez faire ça, monsieur Ben. Vous arrivez devant la porte est fermée. Je fais. Alors, tu fais. Vous allez me faire tous les deux un jet d'écoute, si vous. Personne va se réveiller. Barrington et Paulat, vous faites un jet d'écoute, si vous. Oui, bien sûr. Effectivement. Oh, je suis nul en écouter, vas-y. J'ai frappé un. Vas-y, oui, bien sûr. bien sûr. Et... Non, je rage pas. C'est lui, là, qui m'énerve. Mais pourquoi je réussis? Pourquoi? Alors. Au moment où. Parce que t'as pas tant de vue que ça en fait. Au moment où. Tu frappes à la porte. En ce qui te concerne, Kassim Poilat, comme tu sais, tu as le sommeil très lourd. Tu es quelqu'un qui adore dormir, tu as besoin de sommeil. C'est comme ça, c'est tout. Attends, je vais juste voir. Voilà, c'est surtout, c'était toi qui avais fait une nuit blanche. T'as besoin de dormir, t'as fait une nuit blanche, toi, je me rappelle. Non, c'est pas Kassim qui a fait une nuit blanche, c'est Barrington qui a fait une nuit blanche, tu vois. Ah oui, mince, oui, c'est en fait, de tous, celui qui a le mieux dormi de tous, de vous quatre, c'est Poilat. Lui, il a eu des nuits parfaites, tu vois, genre en mode succès extrême, tu vois. Donc, tu dis qu'il a rêvé de petits poneys. Si je vois un monstre se faire tuer, moi, dans ma tête, c'était waouh, les poneys. Voilà, du coup. Mon cerveau, il le gère. Par contre, toi, mon petit Barrington, étant donné que tu es, disons, alerte, tu as eu des petits traumatismes ces derniers temps, et en plus de ta carrière de soldat, tu es quelqu'un qui est très alerte. Et ce bruit de tape sur la porte te fait tout de suite réagir, à tel point que quand tu te lèves, tu en fais tomber ton plateau qui... En tombant, réveille Kassim Poilat. Qu'est-ce qui se passe? T'as un plateau sur la tête, fais gaffe. Ah, merde. Tu entends dans le même instant, dans le même moment, toi, Worse, un plateau, enfin un bruit de quelque chose qui tombe par terre, qui se casse. J'essaie d'ouvrir la porte. Mais qu'est-ce qu'il fout? De votre côté, vous, Barrington, et toi, Poilat, vous entendez la porte qui fait. J'enfile vite fait ma robe de chambre, mes pantoufles, et je vais ouvrir. J'entrebâille, du moins. Ok. Et bah du coup, au moment où tu t'apprêtais quasiment à presque défoncer la porte parce que t'étais inquiet, Worth, la porte s'ouvre et tu manques quasiment de foncer dans Barrington, mais au dernier moment, tu arrives à te retenir et tu limite, tu t'arrêtes à quelques centimètres de la face de Barrington. Capitaine Barrington, j'ai entendu un bruit. Qu'est-ce qu'il s'est passé quelque chose ? Ce bruit que j'ai entendu, c'est vous qui m'attraquez ma porte. Je regarde un peu dans la pièce. Tu vois exactement un plateau repas qui est tombé par terre. Écoutez, excusez-moi de vous réveiller à cette heure aussi matinale. Dites-vous que... Je ferme la porte. Enfin non, tu peux venir, Georges, si tu veux. Merci. Merci, monsieur Bates. Je ferme la porte après. Je tiens à quand même à préciser que vous arrivez dans une chambre... où tu as Cassim Pollard qui est à moitié en grenouillère de pour dormir quoi, enfin voilà, dans sa pénate comme ça là, en mode les yeux défoncés, Barrington qui lui bah voilà il a passé une nuit un peu agité quand même, et donc il est pas tout frais du visage. Il est toujours agité avec toi, hein. Il n'est jamais à un moment de tout paix, habillé. Non mais bon voilà, tu viens de te faire réveiller en sursaut, t'as défoncé un truc, l'autre il a matraqué la porte, on peut dire que t'es quand même voilà. Je suis vénère, faut taquer là. Voilà. Ouais, mais il avait bien bu. Et le professeur Worth tranquille, bah viens George Banks, on rentre à l'intérieur. Et vous viens voir un coup, viens. Tu fermes la porte derrière. Il reste du rouge, allez, viens. Donc vous voyez effectivement George Banks et Professor Worth rentrer dans votre cabine et Worth fermer la porte derrière lui. Qu'est-ce qui se passe ? Excusez-moi de vous avoir réveillé dans une heure si matinale, capitaine Barrington, mais j'ai un mauvais pressentiment. Pouvez-vous voir la cachette du Fez, s'il vous plaît, s'il est toujours présent ? Je m'exécute. Hein. Vous avez bien sûr verrouillé la porte hier soir quand vous êtes couché. Ouais. Bah, oui, mais de toute façon, pour rentrer, moi j'ai dû passer mon badge et vous n'avez pas pu rentrer. Donc. Je regarde la fenêtre. La clé, pas le badge. Je regarde la fenêtre si elle n'a pas été forcée ou si on n'a pas essayé de rentrer par là. Mais pourquoi ça ouais, franchement... Pardon, monsieur MJ, je regarde la cachette s'il y a toujours la mallette cachée, si elle pèse aussi lourde qu'avant. Tu regardes, effectivement, tout va bien, elle est toujours à sa place. Là, le train est à l'arrêt, là. Et rien n'a été bougé dans le compartiment, enfin dans le... Le train est à l'arrêt, là. Le train est à l'arrêt, effectivement. Ouais. Mais ouvre la mallette pour être sûr que son contenu n'a pas... Peut-être pas ouvrir la mallette, mais au moins voir alors, si elle est là. En soi, tu n'as pas besoin d'ouvrir la mallette, parce que tout simplement, au moment où... Barrington s'approche de la mallette et limite commence à peut-être vouloir la choper. Le simple contact de ses mains sur le cuir de la mallette fait que il se sent un peu nauséeux, tu vois. Genre, mais légèrement. Il y en a quasi. Donc ça te rassure sur le fait que c'est toujours à l'intérieur. Voilà. Donc tout va bien. Donc j'explique ce que j'ai vu avec George. Ouais. Un homme partir. Apparemment, c'était prévu. Hein, mais cet homme nous suivait depuis notre début. Mais c'est très étrange. Pourquoi nous suivre et sortir avant nous ? C'est surtout pourquoi sortir ici s'il devait suivre son maître ou peut-être pas Menka. Ben oui, justement. Il y a certainement. Avertir notre personne. Il y a certainement une mission là-bas ou quelque chose à faire, mais... Ils vont peut-être changer de gens qui nous surveillent. Hein. Peut-être qu'ils savent qu'il y avait de fortes chances qu'on le repère et qu'ils vont tourner comme ça pour éviter qu'on ne sache jamais qui nous suit, qui nous suit. C'est pas Menkaf qui a tenté d'assassiner le jeune étudiant Mathieu, non ? Si, c'est... On pense que c'est lui qui l'avait apporté pour faire l'expérience du... Enfin, c'est l'étudiant qui avait pris le café. Le Fez. Et justement, ils l'ont retrouvé et ils l'ont mis dans un appartement. Donc on pense que c'est eux qui ont essayé, plus ou moins. Enfin, c'est plus ou moins leur faute. C'est la faute de l'étudiant, mais c'est surtout de leur faute s'ils ont un. Vous savez pendant combien de temps s'arrête le train En fait. 25 minutes. D'ici une dizaine de minutes, il va repartir. Le temps qu'il se passe ce que vous avez fait, d'ici une dizaine de toute façon, les gens dorment. Pas besoin de les suivre. Ouais. Et puis maintenant que le mal est fait, qu'on a sorti le truc de. Ouais, du moins, qu'on a exposé la mallette en plein la vitre, le train arrêté, on est un peu grillé. Ouais. Je pense pas que ce soit si grave que ça, vu que de toute façon, on va partir et que. J'ai quand même enfin, demandé... Le principal suspect est encore là. J'ai quand même demandé, même si c'est un peu matinal, le compartiment qui, maintenant, est peut-être libre. Là où il était. C'est pas bête, ouais. Parce que soit il était tout seul et du coup, on peut peut-être fouiller un peu la pièce, voir s'il a pas mis des papiers dans la poubelle, hein. Comme un... Bah écoute, qu'est-ce que tu fais? Tu ressors du compartiment et tu vas essayer de t'enseigner? Et je vais voir le même personne, le même membre du personnel, et lui poser la question. Bonjour, monsieur Wells, que puis-je pour vous? Écoutez, j'ai appris qu'un homme est parti du train, et du coup, peut-être que le compartiment est libre. J'aimerais savoir. Vous parlez sûrement de monsieur Bentley Burnham, c'est ça? Bentley, oui, bah oui, je me souviens, bah, il était avec moi jusqu'en Angleterre, de l'Angleterre jusque. Oui, Calais. Oui, effectivement, c'était son arrêt, il est descendu, mais que puis-je pour vous? Si son compartiment qu'il occupait est maintenant libre, ou s'il en avait... Attendez, laissez-moi réfléchir... non, je ne crois pas, il partage son compartiment avec un certain... je me rappelle jamais de son nom. C'est un ami, enfin l'homme de main de Monsieur Menkaf. Je me rappelle plus trop de son nom, mais oui, voilà, c'est son homme de main. Ils partageaient tous les deux le compartiment. D'accord. Monsieur Kapok. Monsieur Kapok. Homme de main. Voilà, un certain monsieur Kapok. Mais il est toujours je vois qui c'est. Il est toujours dans son compartiment, je pense. Vu l'heure, voilà. Sachez que, de toute manière, pour 9h, le petit déjeuner sera servi à 9h. Hein, dans le wagon restaurant. Écoutez, c'était juste pour savoir, parce que sans vous mentir, j'apprécie énormément la compagnie de quelqu'un, mais j'aurais bien voulu avoir un compartiment et j'aurais payé le prix cher pour juste en avoir un personnel. Peut-être quelqu'un a la possibilité. C'est vraiment énervant. C'est pas vraiment ça, mais peut-être que quelqu'un a un wagon dans le wagon lit. Par exemple, Monsieur Menkaf a peut-être un compartiment pour lui. Monsieur Menkaf, oui, a un compartiment personnel. Il ne partage pas le compartiment avec qui que ce soit. Vous savez quel est son arrêt? Cela a un coût. Monsieur Menkaf, normalement, doit s'arrêter à Constantinople. Ah bah le terminus, oui. Dommage, j'aurais bien voulu quand même voir, peut-être au retour j'aurais le droit à ce genre de confort, hein. D'ailleurs... Moyennant une certaine somme, vous pouvez avoir une cabine complète, sachant que pour avoir une complète, il faut acheter 2 places. Ah bah voilà, d'accord. Et j'aurais bien voulu visiter ces cabines-là, s'ils sont différents de nos cabines à nous. Ce sont les mêmes, simplement que vous avez deux. Voilà. Après, nos cabines sont adaptables, donc nous pouvons tout à fait enlever une couche pour laisser place à un bureau ou autre chose. Voilà, ce sont les cabines de l'Orient Express, monsieur. Oui, merci de me... Et vous en savez beaucoup, hein, et je vous remercie de ces informations. Et là, tu sens le train qui commence à... On repart. On s'arrête. On repart. Et ça repart. Excusez-moi, monsieur Wurst, je vais devoir vous abandonner, malheureusement, car je dois me préparer votre petit déjeuner. Donc, oui, c'est ce que j'allais dire. Je vais devoir vous abandonner. Je vous souhaite une excellente matinée et je vous dis à tout à l'heure au petit déjeuner. Eh ben, je vous remercie beaucoup et en passant, je lui passe un petit billet. Vous êtes trop gentil, monsieur. Quelqu'un qui se donne à fond pour nous satisfaire notre soif d'information se doit d'être récompensé au juste récompense. Mais sachez que c'est mon métier et que je fais ça avec professionnalisme et que ça me tient à cœur. Eh ben, ça me tient à cœur de récompenser votre professionnalisme. C'est tellement rare de nos jours. Et puis je retourne dans ma cabine. Eh bien, merci. Et puis ça va. J'ai perdu 50 dollars. Non, c'est pas des dollars. C'est des dollars. 50 000 anciens francs. Voilà. Bah, ça fait beaucoup là. C'est de l'argent anglais là. Non, non. Ancien 50 000 francs. Anciens francs, ça fait pas énorme. Bon. C'est les nouveaux francs ou ça fait alors, pas beaucoup, hein. Ancien, ça fait beaucoup. 50 000 anciens francs, ça tient sur une pièce. 5 oui, centimes. Comme dit Akinamna, c'est des livres, c'est pire. C'est des ontes. T'as donné 5 ontes. Là, c'est bon. 5 ontes. Il a donné un... il a dit qu'il a donné un billet, hein. Attention. Oh, bah, deux livres alors, hein. J'ai donné un billet de 2. Attends, mais non, c'est énorme, 2 livres, arrête. Parce que pas ouais, une livre. Livre. Une livre. Putain, t'es généreux, toi. En sachant que un billet pour l'Orient Express, de ce que j'ai cru, c'était 58 livres. C'est 58 livres. Ok. Ah ouais, mais non, c'est pour payer 1/58 du billet. En mode tu lui as donné, tu lui as donné une véritable fortune. En sachant que si on fait les équivalents, normalement c'est quasi un peu plus de 2 000 euros le billet. Non, j'ai donné en francs ou un truc comme ça, j'ai pas. Enfin, ou j'ai donné non, quand même. T'as donné des roubles, des roupies. Des non, on va dire que t'as donné en j'ai dessous de la livre. T'as donné des bitcoins. T'as donné en dessous de la livre, je me rappelle plus c'est quoi le. Le pound ou je sais pas quoi. Les pennies. Les pennies. Le penny, voilà, le penny. 50 pennies. Je sais pas si tu t'es un sec, c'est bon, c'est fini. Ah, le shilling, oui, exactement. Ah, qui le shilling. Le penny, c'est encore en dessous. C'est compliqué les monnaies allemandes. Les ouais, bah, monnaies, tu lui as donné un petit pourboire, hein, quelque chose de sympa. Ouais. Voilà. Il va s'acheter une sucrerie, hein, c'est caché. Il lui a filé un sac de billes, ouais, voilà. Il va jouer. Donc, tu retournes voir tes amis. J'entends me coucher, il me réveille un peu plus donc, tard. Donc, d'accord, tout le monde se retrouve se coucher, et effectivement. Ah non, mais maintenant vient... je suis debout, je suis au taquet. Ah bah, comme tu veux, tu me dis t'es debout, t'es je vais, debout. Je vais dans le wagon que, cantine, le wagon. Ah, resto, le fumoir, tu peux aller dans le. Je commande mon... Tu peux aller dans le fumoir. Je commande mon café, mon croissant à la. On est en France, là, on est à Strasbourg, là, non? Non, on a quitté Strasbourg depuis longtemps. Non, on est en Allemagne. Ouais. On est à Salzbourg. Eh ben alors, c'est café à saucisse alors. Stuttgart. Café saucisse alors. Ouais, c'est plus tard, Salzbourg, c'est le troisième. Donc en gros, on va te dire, enfin, que tu arrives là-bas, le salon restaurant à cette heure-ci, il est pas encore accessible. Par contre, tu peux aller tout à fait dans le au bar, enfin un peu fumoir, là où tu peux boire un verre et limite prendre un café en attendant que ce soit prêt. Et du coup, ben voilà, t'as le barman qui est en train de ranger un peu, préparer sa journée, ranger les bouteilles, préparer peut-être de quoi faire du café, du thé. Et du coup, tu lui demandes, je sais pas, un thé, un café, et tu fumes ta clope en même temps. Je sais pas si je suis fumeur, mais après, ouais. Bah, je sais pas, après, c'est toi qui décides, hein. Moi, y a pas de. Si tu veux être fumeur, tu es fumeur. Si t'es pas fumeur, t'es pas fumeur. Si tu décides. C'est pas haram de fumer. Hein? C'est pas haram de fumer. Ah. Absolutely haram, comme dirait ça. Le meilleur même de l'histoire. Pendant ce temps-là, donc que les autres dorment, toi, Barrington, tu passes un peu de temps à discuter, peut-être à converser avec les gens qui sont debout, c'est-à-dire quasiment personne. Le barman. Tu vas dire oui, le psychologue de bar. Quoi. Voilà, toi tu lui racontes un peu tes exploits de guerre. N'importe quoi, sauf que c'est ce qui nous arrive. Et bah, ça me changera les idées, tu vois. Au moins, il n'est pas impliqué. Tranquille. Voilà. Bah, tu racontes tes exploits de guerre en Afghanistan, les grandes opérations que tu as menées. Voilà. Pas les mauvais souvenirs, les bons, les conquêtes. Voilà, les conquêtes durant les guerres, c'est pas pareil. Où tu t'es mis en avant, où tu as tué là énormément de monde. Où t'es pas à se dévoiler, etc. Quoi. Et voilà, les heures passent, en gros, hein, et arrive l'heure où il est temps pour vous de vous lever et de vous préparer pour aller au petit déjeuner. Et bah là, je vais aller dormir. Je suis pas assez dormi. Du coup, je suppose que vous vous retrouvez tous pour 9h dans le wagon-restaurant où vous voyez le petit déjeuner qui est servi. Et vous retrouvez à peu près les mêmes personnes que vous aviez vues le soir. Moins un. Moins un. Et là, en fait, il y a une personne que vous n'aviez pas vue jusqu'à présent. Qui, oh. Vous, mais qui est à la table de Minecraft. Une jeune femme d'une vingtaine d'années. Une petite blonde, cheveux courts. Bien, enfin, assez bien habillée, sans être princier. Donc une tenue assez... assez bourgeoise, mais sans être voilà, majestueux. Par contre, cette femme a l'air de d'être comment dirais-je, assez effacée. Le visage, enfin la tête baissée, et vous sentez qu'elle est un peu triste. Hein, vous remarquez que son visage est assez triste, assez penaude. Et donc elle est assise, en fait, pour vous situer, elle fait face à Minecraft au niveau de la table. Et le gorille, enfin le gars, est juste à côté d'elle. Voilà. Et sinon, bah, les autres sont là, le comte, la comtesse, l'homme qui accompagnait... L'homme qui a accompagné. On sait qu'il est parti chercher sa fille ou sa nièce. Ou quelque chose. Je pense pas qu'ils aient l'air de la même famille. Alors, en tout cas, il la protège bien. Hein. Puis il est parti la chercher, je crois. C'est. Je pense. Monsieur le capitaine, je pense pas que ça soit sa fille ou sa femme. Femme, peut-être pas. Hein. Donc pareil, vous avez l'employé du wagon qui vous fait asseoir. Vous prenez chacun, enfin vous prenez votre table de 4. Et le petit déjeuner vous est servi. Bien sûr, encore une fois. Je dis, Kassim, l'employé qui nous sert, tiens, Madame Minecraft se joint à nous aujourd'hui. Non, ce n'est pas Madame Minecraft, c'est Madame Meyers. Meyers, oui. D'accord. Merci. Elisabeth Meyers. Elle est en voyage de noces, je crois, avec son mari. C'est qui son mari? Alors attends, j'ai plus son nom à lui là. ah, t'es où toi? Comment il s'appelle son mari? Monsieur Meyers. Ouais, c'est oui, Monsieur Meyers, exactement. J'imagine bien que c'est Meyers. Meyers contre Meyers. Qui serait le meilleur? Ah, attends, là j'ai mon truc qui. Ouais, enfin, bon, c'est Monsieur Meyers pour l'instant. Mais a priori, de ce que j'ai compris, là, il est un peu souffrant depuis quelques temps. Du coup il ne sort pas beaucoup. Il reste dans son compartiment. Ouais, d'accord. Voilà. D'accord, très bien, merci. C'est Scott Meyers. Bon, ça y est, j'ai trouvé. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes là en train de prendre votre petit déjeuner. Je vous laisse donc vous alimenter. Moi, je mange mon lard et mes beans. Oui, d'ailleurs, le repas, c'est classique anglais, quoi. C'est un gros petit déj. Voilà. Donc, pendant ce temps-là, vous voyez... oui. On est en territoire allemand, là. Oui. Ça veut pas dire que le train n'est pas anglais, monsieur. le train roule. Te dit le professeur Blaise en buvant une bière pour son petit déj. les Anglais le font. Hein. La compagnie de l'Orient Express est française. Moi je prends un riche coffee mais pas de bière. Non, le train est français. Les wagons lits sont français. Par contre, il y a quelque chose que j'ai oublié de vous mentionner qui peut-être vous faire. À changer un peu au niveau de votre sourire, parce que c'est vrai que sur le coup j'ai oublié de mentionner, c'est important, vous remarquez une chose qui a changé sur Minecraft. Mais une chose qui est vraiment subtile d'un premier arbre, c'est qu'il arbore sur sa tête un fez rouge sang. Rouge ou rouge sang? Rouge sang. Une copie de notre fez. Ou peut-être qu'il a volé et qu'il est en train de le mettre. Voilà. Et je pense pas qu'il l'arborerait devant nous quand même. Venez, on lui met sur la tête. Il est peut-être très déterminé à montrer que c'est lui le meilleur. Vous allez me faire un jet de toc, s'il vous plaît. De toc. Toc. On va voir s'il a un fez. Allez. Allez, 12. Bam. Extrême. Allez. Non, moi, je trouverai jamais rien. De toute façon, j'ai des lunettes d'aveugle bien noires, tu vois. Pourquoi je fais des réussites uniquement quand c'est des jets de groupe et que d'autres gens réussissent? Mieux. Cochez la case, hein, surtout si vous avez réussi. Okay, okay. Ah, j'avais déjà coché, moi. J'avais déjà réussi, excusez-moi. Tu... Alors, vous voyez deux choses différentes, que ce soit toi, Harold, et que ce soit toi, Kassim. Comme ça, chacun aura trouvé quelque chose que l'autre n'aura pas vu. En ce qui concerne toi, professeur Poilat, tu remarques que la jeune femme qui est avec eux, qui a l'air moribonde, qui a l'air pas super bien, a l'air d'avoir les yeux larmoyants, limite presque, serait presque même en ce moment presque en train de pleurer. De ton côté, Harold, et ça, c'est toi qui décides si tu le dis aux autres ou pas, et c'est la même chose pour toi, Paulat. Mais Harold, toi tu remarques, et ça t'a tout de suite sauté à l'œil, que le fez rouge sang, en fait, tu remarques que il est mais identique à celui que vous avez, et que tu reconnais même avec l'œil peut-être, parce que en fait les symboles. Vous êtes pas si loin que ça, que il a les mêmes symboles qui, si tu regardes bien, ils ont l'air de bouger aussi. Ouais, bah c'est le même que ce que j'ai vu sur le type. Moi, bien sûr, je partage aussi l'information. Enfin, j'ai aucune raison de le garder pour moi. Alors, ah, moi... Tu, dis que tu vois un fez, pardon. Il y a des gens qui lèvent la main, là, partout. Bah, allez-y, allez-y. Alors, c'est le MJ. Alors, George Banks, vas-y. Bah, j'ai fait une réussite aussi. Après, ah bon, oui. mais moi je voulais l'utiliser pour l'oublier regarder MacGregor. Oh oui, attends, c'était un succès majeur, toi en plus. Attends, oui, non, mais moi je voulais regarder Madame MacGregor. Tu veux regarder Madame MacGregor? Oui, elle m'intrigue beaucoup, cette dame. Donc la journaliste, écoute, tu regardes. Oui, journaliste. La journaliste, et tu vois, parce que tu as l'œil, parce que tu es quelqu'un qui. voilà, tu es habitué à regarder derrière l'épaule des gens sans qu'ils s'en rendent compte, tu vois. Que elle est en train d'écrire un article sur l'Orient Express et sur un peu pour casser un peu ce truc comme quoi bah voilà les riches seront encore plus riches et ils vivent dans le luxe parce que regardez c'est comme ça l'Orient Express voilà un peu pour détruire un peu les riches quoi en gros tu vois c'est quelque chose qui est très cassant elle décrit le genre de luxe dans lequel ils vivent alors que plein d'autres subissent et n'ont rien quelque part ça te parle parce que tu vis ça aussi et tu comprends ce qu'elle veut dire et tu serais presque même d'accord. D'accord. Voilà. Pourquoi pas? Si, je suis d'accord, c'est bon. Donc quelque part tu te prends un peu de sympathie de cette femme. Elle a l'air d'être de ton monde quelque part. Elle te comprend. D'accord. Bon, il m'a partagé l'info là, monsieur Kassim, je crois. Ah oui, moi j'ai dit je partage. C'est toi qui as vu le fez, hein? Non. Non, c'est lui. Ah, ouais. C'est le professeur Harold Worth. Ok, tu vois, collègue, je suis pensif et dès que le. Dès que. Comment il s'appelle, putain, ce. Dès que Mooncalf me regarde, tout de suite, je détourne le regard et je vous regarde. Et je dis, putain, c'est. Je dis. Ah! Il semblerait qu'il y a deux fesses. D'ailleurs, je rajouterai une dernière chose pour toi, Harold. C'est que quand tu le regardais et que tu as réalisé que c'était aussi un fez rouge sang comme le vôtre, t'as remarqué que il avait réalisé que tu le regardais aussi. Et merde. Il t'a fait un. Tu vois qu'il fait un espèce de sourire en coin. C'était un piège. Comme si, tu vois, peut-être ça le faisait un peu rigoler. Peut-être que le chapeau tirait bien. Alors après de là, savoir si c'était vraiment pour toi ou pas. J'entends son truc, ni une ni deux, je me lève, je cours dans la cabine, vérifier, je fous tout dans le bordel, faut le chercher. Écoute, tu vas directement dans la cabine. Je vois que les gens te voient un peu te voient parce que tu pars un peu précipitamment. Donc les gens se retournent vers toi, genre qu'est-ce qu'il a celui-là, tu vois. Et il a juste envie de vomir. Au moment où tu rentres dans la cabine, que tu refermes. Gros envie d'après le café. Est-ce que tu refermes la porte derrière toi quand tu rentres dans la cabine ou pas? Tant qu'à faire, ouais. Ah, je fais pas, faut me le dire. Tant qu'à faire. Avant de regarder, est-ce que tu refermes la porte? Je rentre, je ferme, je. Okay. Ouais. Tu refermes la porte et effectivement tu regardes à l'intérieur et le fez est toujours là. Je prends des gants, j'ouvre la mallette pour vérifier si c'est vraiment bien à l'intérieur ou c'est juste une sensation. Alors tu vas me faire un jet de santé mentale, moins 14. Non, pas un jet de santé mentale. Tu vas me faire un jet de pouvoir, je crois. Il me semble que t'as jet de pouvoir. T'as coupé, mec. J'ai de pouvoir. J'ai de pouvoir, ouais. Pouvoir. Merde. Ouh, si. Alors. Tu prends effectivement, tu ouvres la manette. T'étais pris un peu de. Tu sais, t'as cette nausée qui. J'ai l'habitude. Voilà, enfin bref. Mais tu gères. T'arrives à gérer. Tu prends sur toi, t'ouvres la manette, et effectivement, le fez rouge sang est bien présent dans la manette. Tu le sais, à 100%, c'est sûr, c'est lui. Et là, je referme la manette, je la verrouille, et je largue toutes les sueurs froides que j'ai pu là, que je peux. Et donc bah, tu remets la manette là où tu l'avais, là, tu ranges tout bien et là tu peux souffler, tout va bien. Il est toujours là. Est-ce que tu restes dans le compartiment ou tu retournes voir ensuite les autres? J'ouvre la fenêtre, je m'aère et je fume. D'accord, bah du coup tu restes en cabine. Donc, pendant ce temps-là, vous êtes tous... Une petite 10 minutes, un quart d'heure, l'histoire de... D'accord. Bah pendant ce temps-là, pendant que Barrington est parti, vous êtes tous les trois. Qu'est-ce que vous faites? Moi j'aimerais qu'on en discute un peu, mais genre. On voit basse et on. Ah, quoique, c'est vrai que la dernière fois quand on parlait, tout le monde semblait nous entendre. Est-ce que. Enfin, ça me semble un peu compliqué d'avoir une discussion de ce genre à cet endroit-là, non? Après, c'est. Ouais, non, finalement, moi je préfère qu'on. À la limite, qu'on se lève tous, qu'on se casse, je sais pas, mais. On va finir le petit déj et je pense qu'il va falloir qu'on parle. Pendant en privé, que vous discutez, vous voyez que la femme qui est avec Mooncalf se lève. Ouais. Et clairement, là, tous, vous pouvez voir qu'elle a des larmes qui coulent de ses yeux et passe devant. De toute façon, j'avais partagé l'information. Mais là, les autres le voient visuellement, enfin, il passe à côté. Vous voyez que c'est une femme qui est pas bien et qui pleure. Elle passe à côté de vous, elle a priori retourne dans son compartiment. A priori. Y a pas moyen de l'arrêter avec le bras et lui demander si ça peut être mal vu. Après, je rien ne t'empêche Non, je préfère pas trop me faire remarquer par le gars, donc je vais absolument pas le faire. De toute façon, ça a déjà été remarqué par Mannkampf. Oui, il nous a jamais Mannkampf. Ce nouveau personnage. Il a rien à faire. Ensuite, un rétor de l'Allemagne, je vous rappelle. Alors, oui, mais alors déjà, on est en 1800, je sais plus combien. C'est pas encore l'heure. Ah, alors, en 1893. Donc on se calme, hein, non, ça n'existe pas. Alors, ce qui se passe, tout simplement, c'est que vous discutez, vous voyez cette femme qui s'en va, qui pleure. Elle se dirige donc a priori vers son compartiment. Et au moment où toi, Barrington, tu sors de ton compartiment et que tu t'apprêtes à rejoindre les autres, tu vois donc cette femme que vous avez croisée qui est, elle, en, quasiment pas en larmes, mais qui a des larmes qui coulent sur ses joues, qui se retourne et qui va dans son compartiment qui se retrouve, qui est quasiment au milieu, Elle passe devant, elle passe devant toi, limite elle passe devant toi, mais limite sans te calculer, quoi. Sans me calculer, je voulais l'arrêter en chemin, lui demander si elle allait bien, si elle voulait quelque chose. Bah écoute, tu l'arrêtes. Déjà, elle est surprise. Elle s'attend pas à ce que tu l'arrêtes. Je lui demande si ça va. Est-ce que vous avez fait du mal? Je veux non, tabasser. Tout va bien. Je me sens un peu fatigué. Tu vas me faire un jet de psychologie, s'il te plaît. S'il y a un truc comme ça, je crois. Oui, il y a psychologie. J'ai des images de Rorschach, si vous voulez, ça peut vous aider. Non, c'est psychanalyse, ça, les images de Rorschach. Psychologie, oh putain, oh, tu m'aurais demandé psychanalyse, je t'aurais tapé. Ça passe, oh là là. C'est beau. Elle coche la case, hein. Ok, c'est donc... Bon, l'amour. Elle te sort tout son speech de qu'elle se sent pas bien et tout ça, mais clairement toi tu sais qu'elle te raconte des gros bobards et que tu sens qu'elle est vraiment dans une détresse absolue en la regardant, mais que elle est dans l'impossibilité de te dire quoi que ce soit sur ce qui lui arrive. Limite tu sens qu'elle est un peu prisonnière de quelque chose. Sinon, et que... madame, si vous allez vraiment pas bien, faites-moi signe. Envoyez-moi un message, dites-moi quelque chose. Au même moment, dans le salon, pas dans le salon, mais dans le couloir, tu vois, toi, Barrington, deux hommes qui se dirigent vers vous. L'un d'eux arbore un fez rouge sang. L'autre, non. Mais ce sont clairement des Turcs. Et tu sais quoi, des Turcs. Des Turcs. Ah. Comme moi. Bon, quelque part, dans le cas présent, ça pourrait être des Turcs. Hein. Mais bon, ce sont des Turcs. Tu remarques d'ailleurs que l'un d'eux, celui qui a le fez rouge sang, a l'air d'être absent. Donc, il a un regard vide, voilà. Je rappelle, le fez peut contrôler des gens. Et en gros, et l'autre, lui, par contre, a toute sa tête. Il n'a rien sur sa tête. Et dans un anglais un peu de fortune, demande à Mayer, à Mademoiselle Myers, si ça va et en gros qu'elle devrait aller dans sa cabine rejoindre son mari qui se sent pas bien. Et là, tout de suite. La demoiselle s'exécute. Elle te remercie, elle te souhaite une bonne journée et elle part aussi vite que voilà. Et les gars te calculent pas du tout. Bah dans ce cas, je retourne dans ma cabine. Je vérifie avant qu'elle ait bien rentré dans la sienne sans les deux gaillards. Tu vois qu'elle rentre et effectivement, les deux gaillards vont se placer à l'entrée, enfin l'autre bout du couloir et reste là planté et ne bouge pas. Je retourne, je rentre dans ma cabine, je verrouille. Ok. Et puis je bois la litre 20 de la bouteille d'hier, tiens. Hop. Du coup, vous de votre côté, vous faites quoi? Et le matin. Hein. Oui, bah bon, avec toi, on est habitué. J'ai absolument pas envie d'aller parler avec ce gars, donc là vous. Faites ce que vous voulez, mais moi je pense que je vais aller directement avec le capitaine. Oh ouais. Après, moi, je qu'on traîne tous ensemble tout le temps, hein, c'est vraiment le meilleur moyen qu'on se fasse repérer. Bon, après, vous êtes dans un train. Hein. Moi, il n'y a pas 50 000 endroits où vous pouvez être. Hein. Ouais, non, notre cabine. Voilà. Le salon restaurant, le fumoir. Le pipi room. Ouais. Et entre les wagons, c'est bien aussi, entre les wagons. Entre les wagons. Entre les wagons. C'est ça. Oh, tu sais qu'on peut parler comme ça, et puis tu as l'air qui rentre et qui te... Du coup, sur ce, est-ce que vous décidez de rejoindre les cabines et on va rejoindre les cabines. D'accord. On a l'information, on pense que c'est encore le fez rouge sang. Vous retournez dans vos cabines. Déjà oui, pour s'assurer des informations prises par notre cher capitaine. Et donc vous allez voir le capitaine Barrington, et que vous dit le capitaine Barrington? Je viens de croiser dans le couloir la madame Meyers qui était en larmes. Elle a pas voulu me dire qu'il la tracassait. Plus important, le fez rouge. Évidemment. Le fez rouge. Oui. Il est toujours là. Il est planqué avec son gorille de l'autre côté du wagon. La mallette est toujours là. Ah, la mallette, oui, pardon. Oui, j'ai vérifié, oui. Et donc là, vous réagissez sur ce qu'il vient de vous dire d'un autre gars avec un fez rouge dans le wagon. Il y en a combien qui ont des fez rouges là? Je comprends pas, c'est une nouvelle mode? Parce que bon, on m'a rien dit. Hein. Ça force des fessées, ça. Ouais, mais ça risque d'être très dangereux si il y a plus de gens. C'est très bizarre cette. Je rappelle une de nos lectures sur l'apocryphe du fez. Vas-y. Un fez pour les contrôler tous. Ça veut dire en gros. C'est une littérature, mais. Cela veut dire dans le langage courant que le fez permet de contrôler les gens. Ouais. Et c'est celui-là qui a. Ça semblerait logique si. Si Menchaf est ailleurs par moment, c'est qu'il doit ordonner à ses gorilles de se déplacer ou de faire des choses. Ouais, c'est en tout cas, je théorise. Ce que vous comprenez maintenant, c'est que à l'heure actuelle, dans ce train, il y a trois fez. Ouais. Trois fez. Mais du coup, question, est-ce que ce Menchaf est différent? Menchaf? C'est exactement le même. En fait, Worth a reconnu exactement le même fez que. Pas de différence. C'est une question aux joueurs. Parce que s'il y a un fez qui les contrôle, il va dire qu'il y a une différence quelque part. Et c'est ce que je cherche. Je pense. Après, les autres, moi je pense plus à faire du tir au pigeon. Dès que j'en vois un, je tire. on risque d'être un peu remarqué. La guerre, écoute, on se sent cerné, il faut se défendre. Hein. Pour l'instant, ils sont pas dans la. Il n'y a pas de 36 techniques après. Ouais, mais un crime dans l'Orient Express, c'est dangereux. Un crime dans l'Orient Express, c'est dangereux, je suis désolé. Enfin, genre, tu peux pas. Ouais. Tu sais jamais qui est dans ce train, en plus, c'est peut-être quelqu'un. Ouais, quoi, ils sont ensemble, il faut voir. Un certain Hercule, non, c'est pas. Ouais, quelque chose comme ça, sait-on jamais, il est peut-être là. Il y a des légumes. Vous savez pas, vous avez pas encore vu les gens du deuxième wagon? Oui, c'est ça. Il y en a qui veulent pas traîner avec le petit peuple là. Mais n'empêche, tuer des gens, c'est un peu se faire remarquer. Alors qu'on essaie d'être discret depuis le début. Dans un lieu clos. Ça me semble être un peu extrême comme façon de faire. Après, on peut très bien s'inspirer d'un autre crime dans le Grand Express et, et le faire au milieu de nulle part au moment où on peut pas arrêter le train. Mais bon, ça veut dire quand même qu'on enclenche une phase où on devient actif et surtout repéré de tous. Quoi qu'il en soit, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. On s'arrête sur le crime de Rent Express. Vous, donc, terminez sur l'information qui est la suivante. Il y a trois fez rouge sang maintenant dans ce train. Il y en a peut-être 10. Il y a Minecraft qui, a priori, a plus d'hommes qu'il n'y paraît, c'est au début, dans ce train. Puisque maintenant, ils sont plus un, mais trois. Je pense qu'ils ont tout le monde. Et que il y a cette jeune femme qui, selon Barrington, cache des choses puisqu'elle a l'air d'être quelque part soumise ou est un peu sous l'emprise de Minecraft. Je pense que c'est notre piste principale aussi. Cette femme. Voilà. Et son mari qui n'est que vous n'avez jamais vu encore pour l'instant. Et qui doit avoir un baise. Ça, on n'en sait rien comme du tout. De par hasard. Il est juste pas visible pour l'instant parce qu'il est malade depuis le début du voyage. Et qu'il est dans son compartiment depuis le début.